il y avait une alerte orange, mais elle a été levée là il y a quelques secondes, donc pas d'inquiétude. Pour ce week-end, pas de pluie au programme, l'impression de beau temps dominera aussi bien qu'aujourd'hui, que samedi que dimanche, mais alors surtout dans le sud du pays. Les températures ce matin comprises entre 1 et 14 degrés, on a 8 à Paris, de 15 à 24 au meilleur de la journée, puis la pollution comme hier, rien à signaler, les indices sont compris partout entre 2 et 4, donc on respire bien. Des villes rayées de la carte et une catastrophe humanitaire dans un des pays les plus pauvres du monde. Le bilan des victimes de Matthew a été revu à la hausse en Haïti. 264 morts, des dizaines de disparus et surtout des milliers de sinistrés. Le cyclone s'est renforcé hier et repasse à 4 sur une échelle qui va de 1 à 5. Il commence ce matin à souffler sur les côtes américaines après avoir fait escale aux Bahamas. 3 millions d'habitants de la Floride, de la Géorgie et de la Caroline du Sud ont été évacués. Décision rarissime, le parc Disney World reste fermé aujourd'hui par mesure de précaution. Sauvé Alep de la destruction, réunion aujourd'hui du Conseil de sécurité des Nations Unies à la demande de la Russie. La situation est alarmante. Selon un rapport envoyé de l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie, il estime que si aucune solution n'est trouvée, eh bien l'Est d'Alep sera complètement détruit à la fin de l'année. La ville est bombardée de manière quotidienne. 275 000 personnes sont assiégées par les forces de Bachar el-Assad appuyées par Moscou. Le grand oral d'Alain Juppé hier soir dans l'émission politique de France 2, le favori des sondages de la primaire de la droite et du centre, se place en candidat du Rassemblement. Il se dit confiant à 6 semaines du premier tour et estime qu'il y a panique à bord dans le clan Sarkozy. Le maire de Bordeaux soutiendra l'ex-président en cas de défaite à condition que le vote soit honnête. Il restera vigilant quant à sa bonne tenue. François Hollande qui n'est pas encore candidat mais qui enfile peu à peu son costume de campagne. Le président a livré hier sa vision de la démocratie. Un texte urgent pourrait faire l'objet d'une seule lecture au Parlement. La reconnaissance des pétitions est également évoquée avec un débat à l'Assemblée qui pourrait avoir lieu à partir de 500 000 signatures. Enfin, le président est favorable à limiter le mandat des parlementaires, pas plus de 3, afin de permettre le renouvellement des élus. Les Bleus contre la Bulgarie ce soir au Stade de France, c'est du foot bien sûr, match éliminatoire en vue du Mondial 2018 en Russie. Victoire obligatoire après le nul contre la Biélorussie. On attend la feuille de match de Didier Deschamps. La grande question porte sur l'attaque. Qui pour accompagner Antoine Griezmann en l'absence d'Olivier Giroud? Le sélectionneur a plusieurs choix, Gamero, Gignac ou encore Fekir. Et oui, Fekir qui évolue parfois avant-centre du côté de l'OL. Avantage tout de même pour le premier cité qui joue à l'année avec Grisi à l'Atlético Madrid. Coup d'envoi à 20h45. On suivra tout ça en direct dans la Radio Libre. Et puis, y a-t-il eu des cas de dopage dans le rugby, en particulier au sein de l'équipe championne de France en titre? Tremblement de terre du côté du Racing 92. On en parle à 6h30. Tremblement de terre. Merci Rémi. Et on te retrouve donc à 6h30 pour la suite. Yep, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On reparlera foot avant 9h puisqu'on aura vos places de foot à vous filer pour France-Bulgarie. Je vous le dis, c'est les dernières. On en reste deux maintenant. Ah ben voilà. Les toutes dernières pour le match de ce soir. Après, vous allez me dire, ça sert plus à rien si vous les ouvrez demain. Donc ce soir, les dernières places, le match à voir, et ce matin, les dernières places à gagner. Oui, c'est bonjour. Ça. Bonjour, bon, je me réveille. Bonjour, ici, bonjour. Ça va, tout le monde est réveillé. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Cariole. Oui. Ça va. Ça va. Ça va. Allez, c'est parti. Les 6h01. Miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est le plus beau. Tifoul. Dis-moi qui est le plus radin. Romano. Qui est le poids lourd de l'émission. Cédric. Qui a les plus gros seins. Bah, encore Cédric. Désolé, Cariole, mais t'es belle quand même. Et qui te réveille tous les matins? Les matins. Le morning de Tifoul sur Skyrock. The morning show. C'est le morning de Tifoul sur Skyrock. Et c'est parti pour le dernier de la semaine. Et oui, dernier morning en ce vendredi. Ça veut dire que le week-end arrive, ça c'est la bonne nouvelle. Ouais. Le week-end qui arrive, le morning qui est là. Bah écoutez, deux bonnes nouvelles déjà pour démarrer la journée. Bon, Cariole, tu n'as pas les plus gros seins quand Cédric est là. Cédric est toujours avec sa clavicule cassée, donc remplacé ce matin par Karim. Sam est là aussi pour les réseaux sociaux. Le hashtag morning de Tifoul. Romano, écoute, tu vois l'équipe, tu vois le bel état. Rémi, Sam, Cariole, qui est en train de se... Je sais pas ce qu'elle est en train de faire, elle fait le ménage là ce matin. Ah bah je sais pas ce que j'ai mal au ventre et j'ai très froid. Est-ce que tu aurais parlé à quelqu'un hier soir pendant plus de 2 heures au téléphone qui aurait pu te contaminer? Je sais pas, il faut toujours poser des bonnes questions pour savoir si tu as rencontré quelqu'un avec des virus ou une maladie peut-être. Bah t'en as parlé, Clavicoolman. Ah Cédric. Bah c'est possible. C'est possible Romano. Mais je suis pas en train de choper un truc pour le week-end. Une petite gastro pour le week-end, l'essentiel tu sais Romano, c'est que tu sois en forme jusqu'à ce soir et que lundi matin tu ailles bien. Ouais. Ah c'est l'essentiel. Oui c'est bien. Bon. On va bien passer un bon week-end quand même. Bah vous aussi, j'espère que vous passerez un bon week-end. Le week-end va bien démarrer avec Sky. Donc du foot à suivre ce soir dans la Radio Libre et à gagner ce matin dans le morning. On vous offrira vos PS4 Slim, la nouvelle tout à l'heure à 6h20. On aura vos iPhone 7 à vous filer évidemment. Et puis des chèques de 1500 euros pour vous pas si vous avez écouté hier matin ou si vous êtes tombé dessus, vous avez peut-être écouté, mais vous n'étiez peut-être pas là au moment où il a gagné 1 500 euros. C'est Soufiane qui a gagné 1 500 euros à Dijon. Avec le pote derrière Thomas. Avec son pote Thomas, ouais, les deux colocs. Et écoutez bien où est-ce qu'on a eu Soufiane au téléphone hier matin. Un endroit où vous irez sans doute ce matin, vous aussi. On est en direct à la radio, Soufiane. Oui. Attends, ne crie pas tout de suite, Soufiane. Oui. On va d'abord te demander quelle est ta radio préférée. Ma radio préférée, c'est Skyrock. C'est gagné. Dijon représente ce matin. Soufiane, tu viens de gagner 1 500 euros en direct sur Skyrock, en direct des toilettes, ça c'est magnifique. Bravo. Yalla. Mais j'étais à deux dans les toilettes, je me suis posé la question quand même hier. Non. Soufiane qui a gagné. Ou alors il fait la porte ouverte. 1 500 euros. Oui, il y en a qui font la porte ouverte aussi. Ouais, pour en faire profiter les autres, c'est gentil. Bon réveil à vous, bonne journée, bonne chance pour les 1 500 euros. D'ailleurs, un petit conseil que je vous donne. À 6h03, vous pouvez vous inscrire encore. Hein, et on peut vous appeler ce matin. Si vous voulez augmenter vos chances de gagner, vous allez sur le 72020 et puis vous envoyez simplement 1 500 au 72020. Et comme ça, hop, augmentation de chances de gagner. Plus de chance, plus d'argent, 1 500 euros si vous répondez Skyrock. Préparez-vous. Il est 6h04, on arrive avec notre réveil de star de ce matin. Bonjour. Bonjour monsieur, mais qui est cette personne? Capitaine Bobo. Ah, Capitaine Bobo, c'est un film qui vient réveiller les Français ce matin. Le Capitaine Bobo. Non, ce n'est pas ça le nom du film. Mais... c'est le crocodile du Botswana. Ouais, le film ça. Avec Thomas Njijol. Je sais pas comment ça va être pris, comment il va être reçu. J'espère que les gens vont être sympas hein, quand même. Quand t'as quelqu'un qui vient de l'étranger comme ça, du Botswana par exemple, il faut bien l'accueillir. Ouais, on va voir ça tout de suite. Pour montrer qu'à Skyrock, on sait accueillir les gens. Et en France aussi, surtout, on sait accueillir les gens. Le film est passé hier soir à la télé, je crois. Je sais pas sur quelle chaîne, mais j'ai vu que ça passait hier soir à la télé. C'est passé d'ailleurs dans tous les cinés. Vous l'avez peut-être vu. Le crocodile du Botswana avec le réveil de star. Tiens, Cédric nous dit Njijol, c'est le meilleur. Là, j'ai vu le spectacle d'Njijol en streaming, bien sûr. Hein. Oui. Et ben, j'ai trouvé ça vachement bien. Ah ouais. Ouais, bien. Ouais, vachement bien. Thomas Njijol qu'on retrouve dans un instant pour le réveil de star de ce matin. Un des premiers rendez-vous de ce morning. On y va tout de suite. Hein. Allez. On va y aller. Allez, on y va. Attends, il y a Sam qui a quelque chose à nous dire, a priori. Ah, il lève la main, mais Sam, tu sais, tu es jeune, mais tu n'es plus à l'école. Je sais, mais je ne vais pas te couper la parole. Il a quitté l'école l'année dernière, il avait Romano comme professeur. Ouais, ouais. Eh oui. Alors... ouais, je l'ai tellement traumatisé que maintenant, il est obligé de lever la main pour parler. Juste pour dire que le film, c'était sur W9. C'était sur voilà. W9, très très bien. Donc... eh bien, on salue nos amis de W9. On les salue. Vous avez... c'est le M6 à l'envers, W9. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, eh ben, c'est parti, on y va tout de suite pour Pitbull et Florida, et juste après, le crocodile du Botswana, Thomas Njijol. Réveille la France sur Skyrock, il est 6h06. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Red light, green light, everybody take a shot. Red light, green light, give me everything you got. Red light, Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light. Oh yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. And you know what that means, that we can do anything. Anything that you dream, I wanna make you ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between, I'm getting loose in this thing. Like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. Find a G-spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. She ready to when I'm ready, pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Give me what I ask for, I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest, Serena Venus, flow of genius, smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this, that 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out, slide out, rally strike, 7500, bye-bye. Il a un nom de chien. C'est, qu'est-ce que c'est ça? C'est Monsieur Bobo là. Ah, c'est le Capitaine Bobo. Ah, le Capitaine, mais oui, pardon. Capitaine Bobo. Capitaine Bobo. Des crocodiles du Botswanga. Du Botswanga, c'est le film. Le film qui est passé hier à la télé et ça nous a donné une petite idée ce matin. Le réveil de stars. Comment ça va se passer avec des stars du cinéma? Thomas Gijol, c'est lui qui fait le Capitaine Bobo. Ouais. Bon, c'est assez simple. Hein, c'est un dictateur dans son pays, le Capitaine Bobo. Et il gère le Botswanga, c'est ce pays magnifique. Cherchez-le sur une carte, vous allez voir, ça va vous prendre 2-3 heures aujourd'hui. 3 jours. Peut-être, ouais. Peut-être même 2-3 jours, voire 2-3 semaines même. Vous ne le trouverez pas en fait. Voilà, est-ce que vous aimez Thomas Gijol? Est-ce que vous aimez le crocodile du Botswanga? Il était venu d'ailleurs dans l'émission pour nous parler du film le soir dans la radio. Ouais, ouais. Bah avec Fabrice Eboué. Thomas Gijol et Fabrice Eboué étaient venus nous voir, on s'était bien marré avec eux. Eh bien, on va retrouver donc tout de suite les Français mis en contact avec monsieur le capitaine Bobo. C'est allez. Parti, c'est le crocodile du Botswanga dans le réveil de star à 6h10, pile. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de star sur Skyrock. Qu'est-ce qu'il sait? Vous connaissez le principe, hein? La star débarque chez les Français et hop là, on voit ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe tout de suite? Avec donc Thomas c'est Gijol, alias Capitaine Bobo, on appelle Didier. Oh, c'est Didier. C'est Didier qui a la chance de parler à un président oui. étranger. C'est la classe. Bonjour. Bonjour. Ah, monsieur Didier, il fallait absolument que je vous voie. Ah, c'est qui? Capitaine Bobo. Est-ce que j'ai l'air de blaguer? Oui. J'ai eu 7 enfants avec 10 femmes différentes. Ah, c'est super. Et tu as compris, hein? Ah oui, très. Toi, tu es pas d'ici, toi, vu l'accent, tu dois être dans le nord, là-bas. On est en Afrique. Voilà. Et mon cher ami, j'ai une nouvelle pour vous. J'ai gagné au loto. Non. Ah merde. Il est temps pour toi, mon fils, de réveiller ton âme de chasseur botswangais. Ah, je chasse que les femmes, moi, c'est tout. La chasse comme le football, un sport d'endurance et de précision. Ah oui. Vous connaissez tous ma grande passion pour le football. Non, il m'a pas dit. J'ai moi-même jadis été un très grand joueur. C'est vrai. Mais j'ai choisi le sacrifice à la nation. Ah oui, il valait mieux, sinon on aurait perdu. Bon, qui est le ministre de l'éducation nationale dans ce pays? Alors là, je sais pas. Marine Le Pen, non? Tu me parles encore une fois comme ça, je te renvoie. Ouais, c'est bon, de toute façon, t'as fini l'école, toi. Tu m'interromps avec ton éducation de facochère? Je vais t'enfiler, espèce de gros connard. Ah. Dégagez là-bas! Ok, ben toi aussi, va te faire voir. Facochère! C'est bien passé jusqu'au bout, hein. Facochère, très bien. Oui, c'est une petite insulte du Botswanga, hein, si vous ne connaissez pas. ça cochère. C'est un des animaux préférés de Karim. Ouais. C'est un porc sauvage. C'est un porc sauvage. Ouais, c'est vrai, c'est un fa cochère. Comme Pumba dans Roi Lion. C'est un fa cochère. Exactement, comme Pumba dans le Roi Lion. Avec des cornes. Eh ouais. Avec des cornes, exactement. Ça a des cornes, un fa cochère. Ouais, c'est un cochon à cornes. Comme ça. C'est ça. Eh ouais, on aura appris des trucs. Bah dis donc, ça se truit le matin. On s'instruit, cochon, fa cochère, instruit. Notre jeu de mots était superbe. Tu vas finir chez Laurent Ruquier, hein, méfie-toi. Bah, je fais tout pour, je fais les meilleurs jeux de mots. Je crois que tu m'écoutes. Big up à toi, Laurent. Big up. Et continue de nous faire rire, bien sûr. Bien sûr. Bon, réveil de star tous les matins, 6h10. Dans un instant, on va jouer ensemble. On va parler football avec un invité mystère à découvrir. Eh ben ouais, ce soir, il y a du match. Allez, les bleus. Match important parce qu'on a perdu. On n'a pas perdu, mais on n'a pas gagné. On a fait match nul la dernière fois. Il faut gagner aujourd'hui. Hein. Ouais. Ah oui, attention, match qualificatif. France-Bulgarie à découvrir sur Skyrock. Une question tout à l'heure. À 8h05, on vous offrira France-Bulgarie. Dans un instant, on joue à l'invité mystère. Donc, les places à gagner à 8h05. Et dans un instant, iPhone. Non, pas l'iPhone. La console. La PS4. Pas que je me trompe. À la PS4, je l'avais promis pour 6h20. T'inquiète, je te rappellerai les cadeaux d'Ifoul. Merci, Romano. Je tiens les comptes. Tu tiens les chèques aussi? Ouais. Ah, aussi, oui. Et 1 500 € tout à l'heure si vous répondez Skyrock à 6h30 et du son pour se réveiller. Toujours. Et du gros. C'est Sean Paul tout de suite sur Sky. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Ifoul sur Skyrock. It. Give me the thing, me come over, lock on it. Twine it, twiggle it, set the chunk on it. Two more shots, now we in a hot panic. Two girls, I'm ready for run on it. True to my word, I'm ready for run on it. Ready for dunk on it, ready for run on it. Tag team in fire, truck, we bump on it. Hands up high, skyrock, burn up the sky. We got the dancer crazy, got the club on fire. She a time it, girl. Same time align me, align it up for co-sign it. Prime me, a prime it, girl. This ain't a crime, I'm a climate, girl. Set the temperature, the climate, girl. Check the rhyme with me, I rhyme it. She combine it, this up for a private world. Hands up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so. Be shy about it. Ain't telling no lie, girl. I'm an animal, animal. I'm breaking it down for the night. And I want you to come for the ride. Let's win it all, win it all, win it all, win it all. Let's go. Let's go. Shine sur Skyrock, le son de Sean Paul pour se réveiller. Et ça, ça fait du bien. Il est 6h18, ça fait du bien aussi. On va vous offrir maintenant, attention, attention, votre PS4 Slim avec notre invité mystère, le premier invité mystère de la matinée à découvrir et à gagner. Bah ouais, votre PS4 Slim, si vous êtes là ou la plus rapide à découvrir sa voix. Bonne chance. On prend les réponses après qu'on ait écouté sa voix, je le dis. Parce que je dis qu'on allait parler football, il y a plein de noms de footballeurs qui défilent là. Attendez un petit peu. Oui. Je vous le fais écouter, justement, on parle football ce soir. Comment vous le sentez face à la Bulgarie? Ah bah j'espère qu'on va gagner quand même. Moi je le sens bien moi. Toi tu le sens bien. Ouais. Bon toi tu espères qu'on va gagner. Mais t'en es pas sûr. Non mais les Bulgares ils sont nuls non. Bah ils sont moins bons. Désolé amis moi, Bulgares bon, mais bon. On vous salue amis Bulgares. Mais ce soir il faut qu'on gagne. Ah ouais. Bon on n'a pas le choix. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Bon on va en découvrir un peu plus sur un joueur de foot de l'équipe de France tout de suite. C'est notre invité mystère ce matin. L'invité mystère. Hop là, l'invité mystère qui arrive, qui est là. Bonjour l'invité mystère. Salut les amis. Salut à toi, c'est lui l'invité mystère, qui c'est? Petit réveil là et on va au petit déj et ensuite on va voir ce qu'on peut faire. Eh ben écoute, on va faire pareil, dis donc, c'est marrant ça. On fait la même chose que notre footballeur mystère ce matin. Ouais. Vous l'avez reconnu, vous savez qui est-ce? Non. T'as pas reconnu? Ah non. T'as pas reconnu l'invité mystère? Putain, moi aussi gros. T'as pas reconnu? Vas-y, on va le faire aussi. Ah, Carriole, eh, c'est le monde à l'envers. Carriole, elle est première sur le foot, bien sûr. Bien ouais. sûr. Attends, j'aimerais bien savoir ce qu'elle pense. Zidane. Ça commence par quelle lettre? G. G pour son nom? Non, pour son. Ouais, c'est pour son nom. Non, tu sais, le nom, c'est le truc. Ouais. Le nom de famille, ouais. Le nom de famille, c'est ça? Ouais, ouais. Très bien, bah écoute, je ne dis rien, Carriole. Peut-être que tu as bon. Elle a bon? Vous seriez sur le cul. Vous en sortez. Ouais, je crois qu'on sera pas sur le cul. C'est Giroud. C'est pas Giroud, Carriole. Non, c'est pas lui, je pense. C'est pas Giroud, c'est qui? Allez, l'invité mystère au 41-759 et sur l'appli Skyrock. C'est lui. Salut les amis. Salut les amis. Allez, lui, ouais. Vos réponses très vite. Vous laissez vos numéros et dans un instant, vous gagnez la PS4. Bon, vous pouvez y aller, hein, vous avez entendu sa voix. Vous envoyez tous les messages que vous voulez. Bonne chance à vous, le temps de se réveiller. Manon, il est énervé, Carriole est trouvé. Elle lui fait des doigts. Il lui fait des doigts. Il déteste perdre, même quand c'est pas lui qui gagne, c'est fou ça quand même. Allez, la PS4 elle aurait pas été pour toi Romano, tu l'aurais pas gagné. Ça l'a remarqué, là, ouais. Quoi qu'il arrive. Bon, Justin Timberlake arrive aussi, on écoute Can't Stop the Feeling sur Skyrock, il est 6h20. La saga des places de concert continue sur Skyrock. Je suis dans ma paranoïa. Après Maître Gims. Et Soprano. C'est Soprano. Skyrock t'offre les 4 concerts de Jul. Jul sur Skyrock. Jul en concert Skyrock à Marseille, Amnéville, Nantes et Paris. Jul en concert avec Skyrock. Et écoute Skyrock toute la journée. Et envoie roulette par SMS au 72020 pour gagner Jul en concert dans la ville de ton choix. Je suis fier de mon parcours, je joue pas le brigandé. 200 places de concert Jul sur Skyrock. Vous déchirez, merci beaucoup. Skyrock, premier sur le rap de Jul. 65 centimes plus coût du SMS. Par le réalisateur de Evil Dead. Don't Breathe, la maison des ténèbres. Qui est là? Ils sont venus braquer un aveugle, mais le piège s'est refermé sur eux. Maintenant, vous voyez ce que je vois. Numéro 1 au box-office américain. Don't Breathe, la maison des ténèbres. Le meilleur film d'horreur des 20 dernières années. Actuellement au cinéma, avec Skyrock. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec des portes ouvertes exceptionnelles du 13 au 17 octobre. Pilier de la sélection, nouveau Scénic, impressionnant de design et de technologie. Et oh joli, Twingo, Capture et Mégane, au meilleur de leur forme avec Easy Pack. Oui, Easy Pack, sans apport, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Voilà qui promet de très belles portes ouvertes. French Touch, touche française. Easy Pack, pack tout inclus. Ouverture dimanche 16 selon autorisation dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Hey, à la Banque Postale, ils ont observé qu'il y a des petites ou des grandes voitures. Des neuves ou des occasions, des gens qui font du covoiturage ou qui sont en conduite accompagnée. À la Banque Postale, ils ont aussi observé que les assurances auto, elles, ne sont pas aussi variées. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors ils ont une assurance auto qui colle à chaque conducteur. Et jusqu'au 16 octobre 2016 inclus, ils vous offrent 3 mois sur la prime de votre assurance auto la première année. C'est ça, l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, 15 centimes d'euros TTC la minute. La Banque Postale, banque et citoyenne. La Banque Postale SA immatriculée au RCS de Paris et à Lorias en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des Assurances. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Come on. It's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When just imagine. But you, when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Journée sur Skyrock, bon réveil, c'est le morning. Et attention, dans le morning, il s'en passe des choses. Là maintenant, on va découvrir notre invité mystère et on va en découvrir plus sur un joueur de foot. Il jouera ce soir. J'espère qu'il va marquer en plus ce soir parce qu'il est fort. Notre invité mystère. Je vous dis pas qui c'est. Vous pouvez chercher, chercher, chercher. Il arrive dans un instant. Vous bougez pas. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et il arrive accompagné par Yacine. Yacine qui a trouvé le premier, la bonne réponse. Bravo Yacine, merci pour tous les messages que vous avez envoyés. Ça fait plaisir de vous voir déjà si bien réveillé ce matin. Alors, bonjour Yacine. Salut Yacine. Oui, bonjour Default, bonjour toute l'équipe. Salut Yacine. T'as quel âge? T'as 29 ans, t'es argentin avec toi. Ouais, c'est ça, exactement. Et bah, sois le bienvenu, tu as découvert notre invité mystère. Merci. Écoutez-le bien, l'invité mystère. Salut les amis. Salut, salut, petit réveil ce matin. Petit réveil là, et on va au petit déj, et ensuite on va voir ce qu'on peut faire. Et bah après, il va falloir marquer des buts, hein. Ouais, c'est ça qu'il va falloir faire ce soir. Le petit déj et marquer des buts après, c'est le programme de la journée. Qui est donc notre invité mystère, Yacine? Eh ben, je pense qu'il va le faire, et ben, c'est Griezmann. C'est Antoine Griezmann, mais ouais. C'est gagné. C'est Grizzy. Grizzy, Grizzy, Grizzy. Eh oh, oui, c'est lui. Eh ben, bien joué, Yacine. Tu viens de choper la PlayStation 4 Slim. PS4 Slim pour toi. Ah ouais. Je la voulais en plus, et là je l'ai avec Skyrock, c'est magnifique. Magnifique, elle arrive directement à Argenteuil, c'est pour toi Yacine. Ah ouais, super. C'est bien joué en tout cas. Tu vas bosser ce matin, tu fais quoi? Ouais, je vais au travail là. Je vais arrêter pour avoir la PS4. Arrêté pour avoir la PS4. Vous avez vu comment ils sont sérieux les auditeurs de Skyrock, hein? C'est bien. Hein. En tout cas, j'avais trouvé moi, hein, le joueur. Ouais, bravo Cariole. Ouais. Et du coup, t'as rien gagné quoi. Je te nomme première sur le foot. Merci. Eh, c'est bien, t'as gagné. Toi, rien, mais toi, c'est bien. Toi, t'as gagné rien, Cariole. Et Yacine, il repart avec sa PS4 Slim. Alors, Antoine Griezmann aime la musique. Qu'est-ce qu'il écoute comme musique? J'ai dit qu'on allait un petit peu le découvrir ce matin. C'est quoi le son qu'il écoute ou l'artiste qu'il aime bien actuellement? Actuellement, à l'artiste qu'on passe sur Skyrock. Maître Gims. Joules. Non, pas français. Black M. Il est peut-être bien Joules, Maître Gims, Black M. Pas français. Nekfeu. Black M est français. Je suis français. Je sais pas, Drake. Ouais, bien joué. Romano, comment t'as trouvé? C'est Drake, il adore. Parce que je le connais. Il écoute du Drake. J'ai écouté cette nuit avec lui. Beaucoup de Drake. Par exemple. Donc Antoine Griezmann aime Drake, son petit surnom, bon on l'a appris hier dans le morning, c'est Petit Gros. Alors on sait toujours pas pourquoi sa femme l'appelle Petit Gros, peut-être à cause de son sexe. Oui, on s'est dit parce qu'il peut-être est pas si gros. Il est pas gros, on l'a regardé torse nu hier soir, il est pas gros notre Grizzy. Donc Petit Gros c'est son petit surnom. Il aime s'occuper de sa fille, il joue avec son chien et il joue à la console et il a deux jeux qu'il kiffe, c'est NBA 2K. Ouais, c'est le basket, ouais. Ouais, et puis l'entraîneur, non? Non, FIFA. FIFA. Ah, FIFA. Ouais, il est sur FIFA aussi. Tu pourras t'éclater sur FIFA, Yacine aussi, toi, hein, comme Antoine Griezmann. Ouais. Et alors, faut qu'on fasse écouter un truc. De la musique, on en a eu avec Drake, mais de la musique, on en a aussi avec la chanson d'Antoine Griezmann. Vous la connaissez, celle-ci? Non, vas-y, envoie. Eh bien, voici la chanson spéciale pour Antoine Griezmann. Antoine Griezmann is the man. Ah. C'est pas mal. Antoine Griezmann is the man. Eh oui, c'est ça. Antoine Griezmann. Waouh. Qui a fait ça? Je sais pas, gros, ça ouf. The man. Moi je préfère écouter du Drake perso. Moi aussi. C'est mieux. Ah, voilà donc Griezmann a sa chanson. Bon, ça ressemble pas du tout à du Drake, hein, mais c'est Antoine Griezmann is the man. Et ce soir, on suivra Grizzy et ses aventures sur le terrain. Et si vous aussi vous voulez aller voir le match de foot, les places à gagner à 8h-5 tout à l'heure. Bonne journée Yacine, bravo à toi. Merci, bonne journée, merci à vous. Et je vous appelle. Salut Yacine. Avant 9h, les iPhone 7 à gagner, on jouera avec Info Mytho, on jouera avec DJ Roro aussi, puisque c'est vendredi. Préparez-vous, et puis du son, tiens, on en parlait, on va en écouter, nous, sur Skyrock. À gagner aussi sur Skyrock, les concerts de Jules. Jules. Ouais, ça sera avant 9h, ça aussi, un concert de Jules, concert Skyrock. Et Jules et ses potes du Ghetto Phénomène, groupe marseillais, découvert sur Skyrock. Et ben ouais, ils sont là ce matin. Maria, avant les infos de Rémi sur Sky. Fais pas les données, la maille, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. On connaît. Je reste fidèle au Paris. Je ne pense pas à demain. T'es tout le temps là à te plaindre. Tu es comme moi, t'as deux jambes et deux mains. Qui t'a fait ça, je peux pas dire. T'inquiète pas, toi tu verras pire. Je sais même plus ce que toi faire, mais je sais que tant demain je peux partir. J'ai mon survêt du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. J'ai mon survêt du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. Fais pas les données, de la maman maille, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. Et le son qui s'appelle Maria pour se réveiller ce matin. Du son pour se réveiller, il y en a plein. On aura du PNL. On va écouter DJ Snake et Justin Bieber également. On sera très canadien ce matin parce que DJ Snake, Justin Bieber, il y a un instant on parlait de Drake. On écoutera The Weeknd aussi. Bah ça c'est juste après les infos de Rémi et juste après vos 1500 euros. Car le premier rendez-vous des 1500 euros arrive. Une bonne nouvelle. Et jusqu'à la fin du mois d'octobre, toutes les demi-heures, 1500 euros c'est sur Skyrock. Profitez-en. Oui, je dis toutes les demi-heures jusqu'à la fin du mois d'octobre, parce que logiquement, c'est toutes les heures. Donc profitez-en, il y a plein de chèques à gagner. Il faut répondre Skyrock quand on vous appelle, et c'est, j'espère, ce qui va se passer ce matin. Juste après les infos de Rémi, tirage au sort. Et on appelle en direct, mais les infos, c'est tout de suite avec la météo pour ce vendredi. Fait pas chaud ce matin encore. Hein. Ah ouais, non, c'est un vendredi d'automne. Hein. Alternance de nuages et d'éclaircies avec un soleil quand même encore bien visible. Grisaille et ciel bien sombre ce matin dans le nord-est et encore, ça ira mieux cet après-midi. Pour ce week-end, pas de pluie au programme, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. L'impression de beau temps dominera aussi bien demain que dimanche et surtout dans le sud du pays. Les températures ce matin comprises entre 1 et 14 degrés, 8 à Paris, de 15 à 24 au meilleur de la journée. Et puis la pollution, comme hier, rien à signaler, les indices compris partout entre 2 et 4. Bon, on va voir ce qu'il y a à signaler dans l'actu, vous allez tout savoir en 2 minutes avec Rémi. C'est parti, l'actu et le sport. Et des villes rayées de la carte et une catastrophe humanitaire dans un des pays les plus pauvres du monde. Le bilan des victimes de Matthew vient encore d'être revu à la hausse. 339 morts, des dizaines de disparus, des milliers de sinistrés. Le cyclone s'est renforcé et repasse à 4 sur une échelle qui va de 1 à 5. Il commence ce matin à souffler sur les côtes américaines après avoir fait escale aux Bahamas. 3 millions d'habitants de la Floride, de la Géorgie, de la Caroline du Sud ont été évacués. Un couvre-feu a été mis en place à Daytona Beach dans l'état de Floride. Décision rarissime. Le parc Disney World va rester fermé aujourd'hui par mesure de précaution. Le grand oral d'Alain Juppé hier soir dans l'émission politique de France 2, le favori des sondages pour la primaire de la droite et du centre, se place en candidat du Rassemblement. Il se dit confiant à 6 semaines du premier tour et estime qu'il y a panique à bord dans le clan Sarkozy. Le maire de Bordeaux soutiendra l'ex-président en cas de défaite à condition que le vote soit honnête. Il restera vigilant quant à sa bonne tenue. La croissance qui cale, l'INSEE a revu les ambitions du gouvernement à la baisse. Le produit intérieur brut s'établira à 1,3% au lieu des 1,6% prévus initialement. À la faute, selon l'Institut, à un trou d'air de l'économie au printemps et à une contraction de l'activité. Un futur centre d'accueil de migrants pris pour cible dans l'Isère. Des coups de feu ont été tirés dans la nuit de mercredi à jeudi sur les fenêtres du bâtiment à Saint-Hilaire-du-Rosier. Des inscriptions hostiles ont également été constatées. Il s'agit de la deuxième attaque en deux jours. Un autre acte d'intimidation a été perpétré à Saint-Brévin, Loire-Atlantique. Fais le point sur le sport. Et ouais, les Bleus ce soir, à pas louper. Contre la Bulgarie, ouais, au Stade de France, match éliminatoire en vue du Mondial 2018 en Russie. Victoire obligatoire après le nul contre la Biélorussie. On attend la feuille de match de Didier Deschamps. La grande question porte sur l'attaque. Qui pour accompagner Antoine Griezmann en l'absence d'Olivier Giroud blessé? Eh bien, le sélectionneur a plusieurs choix. Gamero, Gignac, Fekir, qui évolue aussi parfois du côté de l'avant-centre à l'OL. Avantage pour le premier cité qui joue à l'année avec Grisi à l'Atlético Madrid. Coup d'envoi à 20h45. On suivra bien sûr tout ça en direct dans la Radio Libre. Les rugbymen du Racing 92 ont-ils soulevé le bouclier de Brennus en étant dopés? Tous les joueurs ont dû effectuer un contrôle urinaire après la finale du top 14. C'était le 25 juin dernier à Barcelone. Une intervention surprise qui a permis de retrouver des traces de corticoïdes. Sont concernés Dan Carter, Rococo et Imhoff. Les produits détectés sont strictement interdits, sauf autorisation spéciale. Ouais, bon bah à suivre alors. Hein. À suivre. À suivre. Et les infos à suivre, c'est tout à l'heure dans une demi-heure. Il est 6h35 sur Skyrock. Bon vendredi, bon week-end et puis bonne chance. 1 500 € à gagner tout de suite. Le morning de Difool. Oui, qu'est-ce qu'il fait? 6h, 9h sur Skyrock. Ça va plus la tête, hein. Le seul morning qui vous offre 1 500 € toutes les demi-heures. C'est parti. Inscrivez-vous au 720 si vous voulez gagner ce matin. Ça marche aussi, hein. On peut vous appeler dans la matinée, là. Vous vous inscrivez. Le tirage 1500 au 720. Ça peut se faire à n'importe quel moment de l'émission, dans le morning. Tirage au sort dans les annuaires aussi. J'ai la première enveloppe. On va découvrir ça. C'est ça l'enveloppe. Dans un instant sur Skyrock. Romano, t'as un petit creux ce matin, toi, dis donc. Ouais, on va faire un conseil pas cher bouffe ce matin. C'est bien la bouffe, c'est un des plaisirs de la vie. Moi j'aime bien la bouffe. Bouffe en particulier hamburgers. Eh bien vous savez, je kiffe les hamburgers. Ah, les hamburgers. Les hamburgers. Quel est votre hamburger préféré, vous? Cheese. Alors, ouais, moi c'est Big Mac. Alors toi c'est cheese classique. Ouais. C'est bien. Triple cheese. Toi t'es un gros, toi. Hein, c'est ça, ouais. Tu vas finir obèse comme certains membres de l'équipe qui ne sont pas là et que je ne citerai pas. Voilà. Oui, Cédric. Romano, t'as dit quoi? Ouais, moi c'est Big Mac, moi. Ah, Big Mac classique aussi. Hein. Ouais. Big Mac, cheeseburger, triple cheese. Triple cheese, ouais. Karim, donc toi c'est fiche, moi. Fiche, hein. Ouais. Un petit faible peut-être pour le bacon, non? Ouais, le CBO, le chicken bacon oignon, ouais. Peut-être aussi, mais juste entre les deux. Mais le fiche un peu plus. Un petit peu plus de fiche. Ouais. Rémi, lui, c'est tous les hamburgers. Bon, je ne le dis pas parce que c'est tout. Ouais. Selon ma bourse. Selon ta bourse. Voilà. C'est-à-dire que s'il est riche, il te rachète le McDo, Rémi. Exact. Rémi, également appelé grosse bouffe dans le métier, hein, bien sûr. Ouais, c'est ça. Il est capable de manger tout. Un paquet de gâteaux, il te le mange, il mange les gâteaux, mais également la boîte avec. Ouais, il mange le paquet, oui. Ouais. Il a très faim. Tiens, moi j'adore le M de McDonald's pour Bou 008. Salut à toi Bou 008. Là, on va parler hamburger, mais pas forcément que dans les fast-food, parce qu'en fait, quasiment maintenant tous les restos font des hamburgers aussi, quoi. Oui, c'est ouais. vrai. Les hamburgers maison, tout là. Bon, des fois ils sont ignobles. Mais... Bah, des fois c'est mieux au McDo. Hein. Ah oui, mais c'est clair. Ouais. C'est vrai. Ouais. Bon, alors votre hamburger préféré, vous pouvez nous dire. C'est pour les conseils pas chers de Romano. Tu vas vendre des hamburgers ouais. aux gens. Oui, c'est ça. Ouais, je vais faire de la livraison ce matin. Bah, vous savez, moi le matin. Parce que c'est un véritable carton en France. Je serais capable d'en bouffer même le matin, moi, des hamburgers. Moi aussi, ouais. Ah, juste salé, moi. Ouais. Moi, je pense que je le dégobille, moi. Toi, tu le manges, mais tu le vomis tout de suite. Ah ouais, surtout ce matin. Ouais. Je sais pas ce que j'ai au bide là, mais. On récupère-le, j'ai faim. Bon, ouais, on va faire ça, Cédric. Ah, un petit cadeau pour notre Cédric. Je te fais un doggy bag, Cédric. Mais magnifique. Et est-ce que vous laissez la petite tranche de cornichon à l'intérieur? Non. Ouais, avant je l'enlevais, maintenant je la laisse. Moi aussi, pareil. Avant je l'enlevais, maintenant je la laisse. Tu sais, Cariole, on a de plus en plus de points communs. Hein. Je vois que tu t'y connais en foot. T'as trouvé l'invité mystère Griezmann il y a 10 minutes. Ouais. Alors que Romano était incapable de le trouver. Je vois que j'étais pas le seul dans l'équipe. Hein. Non, Karim non plus. Oh, t'as raison. Bon, préparez-vous dans un instant vos conseils pas chers. Avant 7h, le sondage du jour. Qu'est-ce que vous seriez capable de faire pour un ami? Et qu'est-ce qui peut gâcher une amitié? Aujourd'hui, le sondage du morning concerne les Français et l'amitié. On en saura un petit peu plus tout à l'heure. Mais tout de suite, il est l'heure de vous offrir 1500 euros. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning show. C'est bien payé, hein, Skyrock. C'est 1500 euros à la seconde. Eh, pas mal, essayez de trouver mieux. Il y a de quoi bouffer des burgers, là. Ah oui, il y a de quoi s'en faire des burgers. On file ce matin à Nantes. Les Nantais, les Nantaises, c'est pour vous, les 1500 ouais. euros. On va dans le 44. Et à Nantes, on va chez qui? On va chez Lionel Duval. Bonne chance, Lionel. Lionel Duval pour les 1500 euros. C'est parti, 5 sonneries. Et quand on vous appelle, il faut répondre bien. Ça répond vite. Allô, allô. Monsieur Duval. T'as comme le pastis. Ouais, ben il en a trop bu, lui, tu vois. Monsieur Duval. Pas trop bon de pastis avant de se coucher, dites donc. Hein. Il est très bon le pastis, Duval. Et moins cher que le Ricard. C'est vrai, il est aussi bon. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Ouais voilà. un petit conseil consommation. Ouais, à la consommation même d'ailleurs. Et bon, bien, monsieur Duval, monsieur il est cuit. Monsieur Duval. Bon, t'es pété, monsieur Duval, ce matin. Ouais. Ouais, bah, c'est loupé pour les 1500 euros. Ah, ça fait baisser le taux de gagnants à Nantes. C'était déjà tombé deux fois depuis le début de l'année à Nantes. Aïe, aïe, aïe, aïe. Désolé pour les Duval. Aïe, aïe. Ouais, dommage. On garde le chèque pour tout à l'heure et on continue notre tour de France. On va partout. Et peut-être chez vous, 1500 euros à gagner. Et puis, envoyez, le 1500 ou 720, ça peut vous aider. Bah oui. Allez. 1500 euros, c'est dans une demi-heure sur Skyrock. Et l'argent, bah, l'argent est là, hein. Romano, il veut se faire un petit extra pour ce week-end. Moi, je vais passer en cuisine là pendant quelques minutes, je vais faire des burgers. Allez, les burgers. Et on en reparle dans un instant. Tu nous diras les chiffres, le business du burger en France, oui. Où est-ce qu'il est le plus cher, où est-ce qu'il est le moins cher? Ouais, c'est ça, ouais. Allez, ben on est prêt. C'est juste après The Weeknd que je vous avais promis avec les Daft Punk. On écoute Starboy sur Sky. C'est Skyrock. Default t'offre 1500 euros toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. C'est Skyrock. Skyrock. Et le prochain rendez-vous dans moins d'une demi-heure, juste après 7h sur Skyrock. Kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me. Every day a nigga try to end me. Pull off in that roadster SVI. Pockets overweight. For the king, that's a far cry. I come alive in the fall time. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, sun bumping new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table, come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. Switch on my car. if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star, boy. Look what you done. I'm a motherfucking star, boy. Let a nigga practice, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star, boy. Look what you done. I'm a motherfucking star, boy. Look what you done. I'm a motherfucking star, boy. Look what you done. Le son de The Weeknd sur Skyrock avec les Daft Punk. On écoutait Starboy, il est 6h43. Allez, hamburger pour tout le monde ce matin dès le réveil sur Sky. Allez, tout le monde à table. Bon appétit, bon Big Mac. Big Mac, grand succès le Big Mac. Hein. Ah, bon, classique mort, ouais. De chez McDo ça. Bon appétit pour un petit McFish pour LTD 74. Burk, les cornichons. Ah oui, Karel nous a demandé si on gardait les cornichons dans, dans les hamburgers. Ça dépend, hein, c'est partagé pour les cornichons. Hein. Moi, j'aime le signature de McDonald's. Pas cool. Tu aimes les versions limitées, toi. Filet aux fiches pour Bibi. Hey, succès pour le filet aux fiches, succès pour le Giant, succès, ça c'est quick le Giant. Ouais. Succès pour le Big Mac également, le Deluxe. Ah Romano, le Deluxe, si on te l'offre. Ouais, hein. Non, mais je l'ai déjà pris, c'est pas mauvais. Moi j'aime bien, de toute façon, à peu près tout. Oui, et puis il y a Luxe dedans, il adore. Ouais. Dès qu'il y a Luxe un peu partout. Mais c'est quand que ça, c'est quick, ça y est, ça va fermer là à un moment là. Ils vont en garder quelques-uns des quick et le reste ça va passer Burger King. Oui, mais ça se fait quand aussi, bah, le temps de changer les magasins, parce qu'ils vont changer le look des magasins, tout ça, ils vont tout ça relooker avec, à la Burger King. Oui, ça je le doute bien, mais il y a une date, non? Bah, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Ah, très bien. Petit frites, ça sera les mêmes? Quick? Ah, bah, non. C'était bonne. Tout change, tout change. Ah, bah, non, bah, ça devient Burger King. Ça sera les grosses frites Burger King, sont pas mauvaises non plus. Bon. Bon, bon appétit à vous. Un Big Tasty pour l'inconnu. Un autre Big Tasty pour Vinzouz. Un Big Mac pour Monsieur Titanium. Et puis, bah, hamburger pour tout le monde, je vous le disais. Romano, dis-nous tout sur le business du hamburger. 1,19 milliard de hamburgers vendus en 2015. Ou en France? Ouais. 1,19 milliard de hamburgers. On a englouti tout ça, nous, les Français. À comparaison, il y a 15 ans, bah, c'est 13 fois moins. Ah ouais. 145 000 restaurants en France et à peu près 80% d'entre eux proposent maintenant un hamburger et c'est le plat le plus demandé, même dans les brasseries, restos. Mm-hmm. C'est le hamburger qui se vend le plus. Bon, évidemment, où est-il le plus cher, à votre avis? À Paris. Étonnant. Ouais. Les Parisiens vous fait estanquer tout le temps. Hein. En moyenne, 13,06 €. Ouais. Le moins cher, c'est du côté d'Orléans, 10,80 €. Vous avez de la chance à Orléans. Vous allez me dire Paris-Orléans, c'est pas très loin. Hein. Ouais. Provence-Alpes-Côte d'Azur, 12,45 €. Bretagne, 11,67 €. Normandie, 10,86 €. Voilà, et les autres sont entre les deux. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, oui, c'est un peu cher parce que dans les brasseries, c'est plus cher que au McDo, par exemple, ouais, au Quick ou au Burger King. Ouais, si vous voulez moins cher, allez au Quick, au Burger King. C'est pour ça que la moyenne monte, là. Oui. Eh bien, ce matin, je suis à Allo Resto, vous savez, la société de livraison de nourriture. Ouais. On va faire Romano Resto. Oui, évidemment, j'ai modifié. Ou Allo Romano. Tu fais quoi, Allo Romano? Allo Romano. Allo Romano. Et donc, je livre les hamburgers que les familles n'ont pas commandés, mais je vais leur dire qu'elles ont commandé. Oui, puis c'est toujours très agréable d'avoir une petite livraison comme ça le matin au lieu de se préparer le petit-déj. Bah ouais, tranquille. Eh bah c'est parti, conseil pas cher. Les bijoux de Kim Kardashian? Ah bah ça, c'est Romano. Hein. Les conseils pas chers sur Skyrock. Ah, qu'il est con, Romano, mais j'ai entendu une info exclusive. Les bijoux de Kim Kardashian, ça a été dit dans le jingle, c'est toi? Ouais, mais le monsieur qui fait le jingle, il divague, je crois. Mais non, c'est quelqu'un de très bien, je connais, il est très bien. Je le connais, moi aussi. Les bijoux de Kim Kardashian, c'est lui, ça m'étonne pas. Vous savez que j'ai eu des soupçons à un moment. Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Je vais peut-être faire Romano Resto, du coup, le nom, parce que j'ai eu peur que Allo Romano ne comprenne rien. D'accord, Romano Resto, pas de problème. Ouais, il y a Resto dedans, tu vois. Christian? Allez, c'est pareil. Il faudrait pas que tu leur parles, Karim, avant, s'il te plaît. Tu leur as fait rien dit, gros. Là, tu as dit Christian, ça l'a choqué. Ouais. Oui, c'est son prénom. C'est toujours chez lui, man. Ah. Allô, Christian? Voilà, ah, il a un réel problème. Et là, ça va ressonner chez Christian. Non, là, c'est chez Michel. Ah, on prend Michel. Ah, Michel, il va se régaler. Mais Christian doit avoir un problème de téléphone, parce qu'il a décroché deux fois. Il raccroche. Le mec décroche et ça coupe direct. C'est con d'avoir un téléphone comme ça. Je me suis fait un petit jingle. Ah, toi-même. C'est le jingle de ma société. Ah, ça va, ça me dit quelque chose. Ah ouais, bon, ça me dit rien. Allô, Michel? Michel? Non. Ah, c'est la femme à Michel. Oui. Ah. Oui, bonjour la femme à Michel. Romano Resto à l'appareil. J'ai une livraison de hamburgers à vous faire chez ouais, vous. Ça va pas, non. Ah bah si, ça va très bien. Bon. La voix. Autant un panneau. Qu'est-ce qu'elle a fait à sa voix, la dame? Votre dessin animé. Ça va, Romano, moi? Ah bah ça va très bien. Non, parce qu'elle était inquiète, la dame. Autant un panneau. Tu dis, j'ai livraison de hamburger. Autant un panneau. Bon, l'hamburger le matin, c'est pas pour elle. Non, je crois pas. Romano, prépare-moi un McMorning. Y a pas de problème. T'as vu le message de Nassim? Vas-y, je prends les commandes. Il veut un McMorning, Nassim. C'est qui? Allô? Allô, allô? Jean-Claude. Jean-Claude. Jean-Claude. Allô? Oui. Ah, bonjour, c'est Jean-Claude. Oui, Jean-Claude, oui. Oui, pourquoi? Bonjour, Romano Resto à l'appareil. Je vous appelle pour la livraison des deux hamburgers que vous avez commandés. Ah oui, bah d'accord, mais combien vous en voulez? Eh ben, j'en veux 30 euros. 30 euros d'hamburger? Ah ouais, mais c'est de la qualité, hein. Oh la vache, là, j'en reviens pas. Ah bah ça, t'en reviens pas, ça, tu vas pas t'en remettre. Et avec, t'auras une frite en plus. Non, c'est horrible. Ça, c'est offert par la maison, ça. Oh la vache, c'est sympa. Ah ouais, bah oui. Mais c'est une frite, hein. C'est... Une seule, mais une grosse. D'accord, grosse mais vous frite. Savez que pour l'instant, je sais qui vous appelez. Ah d'accord, très bien, oui, c'est toi que j'appelle, c'est toi, Jean-Claude. Ouais. Mmh. Ouais, et alors? Ouais, bah votre numéro de téléphone, il s'affiche, là, en ce moment. Ah bah c'est bien, oh, et alors? Et puis alors, en fin de compte, ça va. Ça va. Ouais. Ça va. Bon, ce que je fais, je sais pas ce que tu es en train de me raconter, mon Jean-Claude. Ce que je vais faire, c'est le mieux. Je vais prendre ma petite voiture et je te livre dans 10 minutes, là. D'accord, pas possible, pas, c'est bon. C'est bon. C'est bon. À tout à l'heure, Jean-Claude. Il est ému. Ouais, c'est bon. Au revoir. Salut. Ouais, ça va être très, très bon. Ça va être bon, ouais. Romano Resto. Bonne soirée. Romano Resto, te remercie, hein, Jean-Claude. De rien. Merci, Jean-Claude. Je t'enverrai un petit truc à boire aussi. Ouais, d'accord. À tout à l'heure, Bravo Romano. Ouais, bravo. Ben voilà. Ouais. Qu'est-ce que j'ai entendu derrière? Champion, mon frère. Merci. Champion Romano, bien joué. Premier conseil pas cher réussi, parce que vendre des hamburgers à 7h10 le matin, faut le faire. Bah faut tomber sur des gens bizarres comme Jean-Claude. Oui, c'est vrai. Ou la femme de tout à l'heure. Oh bon, hamburgers. Allez, dans un instant, qu'est-ce qu'on fait? L'horoscope de l'amour. Dans moins d'une minute, l'horoscope arrive. Du son pour se réveiller. PNL. Ah, gros son des PNL. À écouter, c'est sur Skyrock dans une minute aussi. Et bien sûr, notre sondage du morning aujourd'hui, les Français et l'amitié. Est-ce que vous seriez prêt à faire plein de trucs pour votre ami? Qu'est-ce qui a gâché les amitiés? On y revient tout de suite et on va tout savoir sur Skyrock, bien sûr. Le morning en direct, 6h50. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, c'est râpé. Comment ça fait râpé? Je suis chez Lidl et aujourd'hui et demain ils font sachet de 2 kilos de carottes à 99 centimes. Oh purée. Ah ça on peut le dire patron, et origine France, ça fait moins de 50 centimes le kilo quand même. Tu vas arrêter, oui. Désolé, mais là pour nous, les carottes, ben... Elles sont cuites, je sais, on est mal. On est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 25-45, variété nantaise, 50 centimes le kilo, origine France. Marie est une jeune femme de maintenant. Elle fait partie de communauté, fait son jogging avec une application, aime les cafés avec des petits dessins sur la mousse, fait attention à son budget, photographie tous ses plats, elle trie, recycle, elle pense à la planète. Et Marie sait que pour tout ça, Boulanger l'accompagne au quotidien. Chez Boulanger, on a donc pensé à Marie avec l'opération Happy Eco Eco, une sélection de produits écologiques et économiques jusqu'au 23 octobre. C'est bon pour vous, bon pour la planète, bon pour Marie en somme. Boulanger, c'est 130 magasins près de chez vous et boulanger.com. 6h51, l'horoscope de l'amour tout de suite sur Skyrock. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et nos puissances amoureuses, les puissances amoureuses de tous les signes, calculées entre 0 et 5, vaut mieux avoir 5, hein, c'est ce que je vous... que je vous conseille. Après, on n'a pas le choix. Regardez, par exemple, moi, je suis à zéro aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Avec les scorpions, Capricorne, Scorpion, mais zéro. Mais comme toi, dit Foul. Comment? Bah, t'as zéro. Oui. Capricorne, comme toi, dit Foul. Bah oui, il est content. Quelle petite saloperie. Hein. Non, mais, saloperie comme ouais. Toi, dit Foul. Petit méchant. Hein. C'est mieux, t'as bah, ça arrive ouais. D'être à zéro. Bah oui. Alors, vous serez un peu à côté de vos pompes aujourd'hui, les Capricornes et les Scorpions. Bon, on est à côté de nos pompes. Mais c'est peut-être ce qui peut faire notre charme. On sait jamais. Comme quoi, hein, vous voyez, même à zéro, ça peut être pas mal. 1 sur 5, les béliers et les balances. Célibataire, ne ruminez pas l'histoire du passé. Allez de l'avant, oubliez le passé. Et pour les couples, votre partenaire vous reprochera votre emploi du temps. Rattrapez-vous ce week-end. Le week-end, c'est demain. Donc profitez, béliers, balance. 2, c'est pour les gémeaux et les cancers. Fuyez la solitude aujourd'hui. Faites-vous entourer. Vous serez mieux avec vos amis. C'est pour les gémeaux et les cancers. Ça nous fait un 2, un 3 pour les vierges et les sagittaires. C'est votre discrétion et votre côté réservé et mystérieux qui séduira les autres aujourd'hui. Bien. De la séduction au programme, vierge et sagittaire. 4 sur 5, les poissons et les lions. Vous aurez le cœur sur la main. Mais rassurez-vous, votre générosité vous sera rendue au centuple. Et on finit avec les verseaux et les taureaux. 5 sur 5, c'est les meilleurs. Vous êtes d'humeur festive aujourd'hui. C'est la fête. Un conseil, bougez, sortez, faites la teuf. Vous rencontrerez du monde, vous allez vous éclater. Verseau, taureau, super, 5 sur 5, on peut pas mieux. Parfait. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Ouais, et le seul morning qui vous réveille avec PNL sur Skyrock. Je suis QLF, le son des PNL. Ça veut dire que la famille QLF. Hein. Mm-hmm. Je dis ça pour les novices. On écoutera DJ Snake aussi avec Justin Bieber tout à l'heure. Et puis dans un instant, le sondage. Les Français et leurs amis, nous et nos amis. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Perdre lunettes sur le sein. Millions de vues en 24 heures. Mon frigo n'a plus peur. Petit frère change de père. Un clip on les met en sueur. Et lendemain dans le père. T'entends du PNL. Demande à ta sœur. T'entends du PNL. Dans le hood, en ville on navigue. La jungle elle s'envoie ravie. Et j'ai mes affaires. Du sucre dans ma bouche amère. La mif sous un soleil plein. Tu touches, on touche le salaire. Nico, on fait ce qu'on peut. Toi reste en chien, toi reste en chien. Le marcheur traverse le ciel. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Suce-moi, merci d'avoir douté de moi. Je prends mon oseille, je chante, je me casse de l'eau de bois. Elle est sombre, elle est timide. Ce soir, la lune rouge. Je pète Nax, véritable. Tout le temps, c'est de la monnaie, j'ai pas de monde, j'ai des sous. TTF, IGT, EMZ, des bezos. Même adresse, personne ne nous inquiète. Personne ne nous inquiète. Personne ne nous inquiète. Dans le vide, je vois le monde en entier. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. PNL sur Skyrock avec Chuculef à 6h55, c'est l'heure du sondage du morning. On parle de l'amitié et des Français. Tiens, quelques messages que vous nous avez envoyés. Merci, hein, vous pouvez nous envoyer des messages tout au long de la matinée au 41-759. Je salue Cerise. Ça fait rêver vos amis. Oui, j'ai rendu des services à mon meilleur ami et au final il m'a bien enculé, il me doit des thunes. Et c'est lui qui s'énerve contre moi en plus. L'enculé, tu l'as dit dans ton message, Cerise. Ouais, puis là, il y a l'inconnu. Qu'est-ce qu'il dit, l'inconnu ? C'était mon ami, il a couché avec ma meuf. Oh. Pas grave, c'était une grosse vache. Oh non, non. Clément, si on brille, ça va bien, oui. Clément, il se console comme il peut. Il a raison, Clément. Bon, les amis, les Français, et voici le sondage du morning sur Skyrock. Le sondage du morning de Default sur Skyrock. Deux questions qui ont été posées aux Français ce matin sur leurs amis. Que feriez-vous par amitié pour votre ami ? Et qu'est-ce qui peut gâcher une amitié ? Qu'est-ce qui peut gâcher une amitié ? On va commencer par ça. L'éloignement géographique en 1. Pas faux. Ouais, c'est ouais, vrai, c'est des vrai, fois ouais. Tu peux te perdre un peu de vue. Ouais. Et ça veut dire que c'est pas des vrais amis. Autrement, les vrais amis, tu les gardes même quand t'es loin. Le manque de temps en 2, je dirais la même chose. Pas le time. Ouais, et en 3, les désaccords sur la façon de vivre. Oui, après, bah, tu peux avoir des amis qui sont très différents de toi. Par exemple, moi, j'ai un ami chauve. Moi, j'ai des cheveux, je mets du gel, je me lave la tête, tout ça. Lui, non. Eh bien, ça ne nous empêche pas d'être très amis, n'est-ce pas? Bah ouais, non, mais bon, oui, façon de mais vivre. Ouais. Ouais, après, chacun vit comme il veut, au final. Bon, ah oui. Ça, c'est ce qui peut gâcher une amitié. Et également, le partenaire, la vie de couple, tout ça, ça peut gâcher. Ah, ça, c'est vrai que ça joue. C'est vrai, ouais. C'est vrai que si t'as ton meilleur pote, il sort avec une vraie connasse. Ah. Forcément, t'as moins envie de le voir, en tout cas, quand elle est là. Ça, c'est sûr. Et elle aussi, elle a pas trop envie de te voir, ouais, en général. Non plus, ouais. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Que feriez-vous par amitié pour vos amis? Voici le classement. En 5, aller au bout du monde pour lui à 46%. Tu le ferais, Romano? Quoi faire? Bah, ici, il a besoin de toi. Il est au bout du monde. Qu'est-ce qu'il est parti foutre au bout du monde aussi? Bon, fait chier celui-là. Tu devrais pas partir ailleurs. En 4, aïe aïe aïe, l'aider financièrement pour 49% des Français. 49% des Français aideraient leur ami financièrement. Bah, moi, je l'ai déjà fait, mais j'ai pas revu la couleur de l'argent, donc je le ferai plus. Non, mais quand tu le fais à un ami, tu n'attends pas que l'argent revienne, tu lui donnes, tu fais un don carrière. Ah, mais moi, je préfère pas d'argent entre amis, tu vois. Voilà, Romano, lui, il a trouvé la solution. C'est bizarre, ça vous étonne? Non, mais sérieux, c'est un truc que j'aime pas trop. Souvent, derrière, ça fait des embrouilles. Ça crée des conflits. Ouais, si le mec, qui veut pas te rembourser ou s'il a une galère, c'est ouais. Chiant quoi. Bon, 49% des Français sont prêts à aimer, à aider leur ami financièrement. En 3, lui prêter ta voiture, ton scoot. Bah, ça, je l'ai fait avec Cédric. Ce con me l'avait plié quoi. Oh là, excuse-moi, Romano, j'ai cassé le scooter. Ouais. Oh là, j'ai eu un problème. 57% des Français le feraient. En fait, Cédric, ouais, les deux roues, il a que des galères quoi. Ouais, moto, la clavicule. À l'époque, je lui prête le scooter il y a quelques temps, il se vautre avec. C'est là aussi. Les gars-là avec des 4 euros, il s'est pris un mur déjà. Oui, c'est vrai, ouais. Et même plusieurs. En 2, vous levez à 3h du matin pour lui remonter le moral à 64%. Oui. Ah oui. Bah oui. Ouais. Oui, bon, de toute façon, nous, c'est que 2h avant qu'on se réveille, donc ça change pas grand-chose. Ouais, hein. Puis au pire, il te parle, tu dors. Mais... Et en 1, l'héberger s'il a une galère d'appartement ou de maison. 68% des Français sont prêts à héberger leur ami. Il y en a qui sont quand même prêts à rien du tout, hein. À peu près à 30%, héberger, se lever à 3h du matin, lui prêter la voiture, tout ça, le scout. Non, l'aider financièrement, non. Et traverser la France ou le monde pour lui, rien. Bon. Aïe. Et bien, bon, traverser la France, ok, le monde, non. C'est un bon test pour tester ses amis, ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? On écoutera du DJ Snake et du Justin Bieber dans un instant, du Ken Jones aussi. Et puis, on vous offre 1 500 € dans, 2 minutes, les infos de Rémi. Et les 1 500 € juste derrière, c'est un beau programme. Ouais, ouais, ouais. Et ben, c'est sur Skyrock dans le morning. Bon réveil à vous, 6h59. Et si on profitait encore plus du réseau mobile numéro 1? Moi, chez Orange, j'ai un forfait mobile Play à 14,99€ pendant 12 mois, puis 24,99€. Et moi, chez Orange, j'ai 20 gigas avec mon forfait. Moi, chez Orange, je profite des 20 gigas sur le réseau mobile numéro 1. Pour une fois que t'es premier quelque part. Avec Orange, profitez de 20 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Tarif réservé aux clients open jusqu'au 16 novembre en métropole avec portabilité du numéro et engagement 12 mois. Conditions et coupons de remboursement sur orange.fr, réseau numéro 1 selon l'enquête ARCEP de juillet 2016. Intéressant. Joyeux anniversaire, amour. Ouh, ça c'est le VTT Nakamura série limitée cadran carbone Romavic Crossride à moins 40% chez Intersport. Ah, bah non, c'est pas ça. Tu voulais pas un nouveau pyjama? Vous allez adorer l'anniversaire Intersport. Dès le 5 octobre, le VTT Nakamura Complete 700C est à 899,99€ au lieu de 1499,99€, soit 40% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles, conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Et oui, encore 3 semaines. Jusqu'à demain, le dos de cabillaud est à seulement 10,90€ le kilo. Oui, 10,90€ le kilo. Mais c'est seulement jusqu'à demain. Dépêchez-vous. C'est ça l'anniversaire et c'est seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Dans les magasins équipés d'un rayon marais traditionnel, pêchés en Atlantique Nord-Est. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. Hey, à la Banque Postale, ils ont observé qu'il y a des petites ou des grandes voitures. Des neuves ou des occasions, des gens qui font du covoiturage ou qui sont en conduite accompagnée. À la Banque Postale, ils ont aussi observé que les assurances auto, elles, ne sont pas aussi variées. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors, ils ont une assurance auto qui colle à chaque conducteur. Et jusqu'au 16 octobre 2016 inclus, ils vous offrent 3 mois sur la prime de votre assurance auto la première année. C'est ça, l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, 15 centimes d'euros TTC la minute. La Banque Postale, banque et citoyenne. La Banque Postale SA immatriculée au RCS de Paris et à Lorias en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des Assurances. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. 7h01 sur Skyrock, bon réveil et bonne journée. Si votre réveil se met en marche sur Skyrock ce matin, ça tombe bien. Bonjour. Vous avez le bonjour de Romano. Bonjour. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Et vous avez en plus l'occasion de gagner 1500€ dans un instant. Et 1500€, c'est facile. Il suffit de répondre Skyrock quand on vous appelle. On vous appelle. Vous dites allô. Je vous demande quelle est votre radio préférée. Vous répondez. Kikou les boys and girls. Non. Mathieu Delormeau, qu'est-ce qu'il vient foutre là, Mathieu Delormeau? Je sais pas, il traîne. Non, vous répondez Skyrock. Et c'est tout simple. Les 1500€ sont pour vous à 7h20 tout à l'heure. Pour vous aussi. L'iPhone 7, on jouera à Info ou Mytho. Et puis à 7h10, le réveil de Star, on en reparle dans un instant. D'abord, les infos de Rémi, vous les attendez avec impatience. Vous êtes des milliards et des milliards sur Terre à vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le monde. Rémi, les infos, 7h02 et la météo pour aujourd'hui et ce week-end. Eh ben, c'est automnal aujourd'hui, on a une belle alternance de nuages et d'éclaircies, mais un soleil encore bien visible, grisaille et ciel bien sombre ce matin si vous êtes dans le nord-est. Bon, ça ira mieux cet après-midi. Pour ce week-end, pas de pluie au programme, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Impression de beau temps qui dominera aussi bien demain que dimanche et surtout dans le sud du pays. Les températures ce matin, comprises entre 1 et 14 degrés, 8 à Paris, de 15 à 24 au meilleur de la journée. Et puis la pollution, comme hier, rien à signaler. Les indices compris partout entre 2 et 4. Et le point sur l'actu avant d'écouter DJ Snake et Justin Bieber. C'est parti pour l'actu et le sport. Haïti qui compte ses victimes après le passage de Matthew. Le bilan a été revu à la hausse ce matin. 339 morts, des dizaines de disparus, des milliers de sinistrés. Le cyclone s'est renforcé. Hier, il repasse à 4 sur une échelle qui va de 1 à 5. Il commence à souffler ce matin sur les côtes américaines après avoir fait escale aux Bahamas. 3 millions d'habitants de la Floride, de la Géorgie, de la Caroline du Sud ont été évacués. Plan d'urgence fédéral décrété dans ces trois états. Un couvre-feu a même été mis en place à Daytona Beach. Décision rarissime, le parc Disney World reste fermé aujourd'hui par mesure de précaution. Sauvé à l'aide de la destruction, réunion aujourd'hui du Conseil de sécurité des Nations Unies à la demande de la Russie. La situation est alarmante selon un rapport de l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie. Il estime que si aucune solution n'est trouvée, eh bien, l'Est d'Alep sera complètement détruit à la fin de l'année. La ville est bombardée quotidiennement. 275 000 personnes sont assiégées par les forces de Bachar el-Assad appuyées par Moscou. 33 prisons construites dans les prochaines années, annonce faite par Manuel Valls pour remédier à la surpopulation carcérale. 9 projets sont prioritaires dans les agglomérations de Nîmes, Strasbourg, Toulouse, Nice ou encore en Île-de-France. La première phase mettra à disposition 3900 cellules supplémentaires. De nouveaux affrontements hier en Corse, cette fois-ci à Corté. Des jeunes nationalistes se sont opposés aux forces de l'ordre. Aucun blessé constaté. Conséquence, des condamnations prononcées à Paris contre 3 nationalistes reconnus coupables d'avoir incendié la sous-préfecture. C'était en 2012. Et on parle sport maintenant. Évidemment, foot avec France-Bulgarie ce soir. Et des nouvelles de Mario Balotelli aussi. Ouais, et les Bleus de retour au Stade de France, presque 3 mois après la défaite en finale de l'Euro. Match éliminatoire en vue du Mondial 2018 contre la Bulgarie. Ce sera à 20h45 et à suivre bien sûr dans la Radio Libre. Victoire obligatoire après le nul contre la Biélorussie. On attend la feuille de match de Didier Deschamps. Qui pour appuyer Antoine Griezmann à l'attaque en l'absence d'Olivier Giroud. Le sélectionneur a plusieurs choix, Gamero, Gignac ou encore Fekir qui évolue parfois avant-centre du côté de l'OL. Avantage pour le premier cité, Gamero qui joue à l'année avec Grisi à l'Atlético Madrid. Il y a donc entre ces deux joueurs une certaine complicité que Didier Deschamps aimerait bien vouloir tester grandeur nature. Carton rouge retiré pour Mario Balotelli, décision sans surprise de la commission de discipline de la Ligue. L'arbitre avait reconnu avoir été un petit peu dur avec l'attaquant des Aiglons, exclu le week-end dernier face à Lorient. Il pourra donc jouer contre Lyon vendredi prochain à l'Alliance Riviera. Merci Rémi pour les infos. La suite tout à l'heure, c'est à 7h30. Il est 7h05, c'est l'heure des 1500€ tout de suite. Feuille de match du morning de Difool. Entraîneur, Difool. Même Zizou lui demande des conseils. Salut, c'est Zizou sur Skyrock. Attaquant, Romano. Plus fort que Messi. Oh, pardon, non. Plus petit que Messi. Gardien, Cédric. Il avale tous les ballons. Pom-pom girl au sein nu, Carriole. Salut. Coup d'envoi du morning de The Morning Show. 6h-9h sur Skyrock. Et on est là tous les matins sur Skyrock, une équipe de rêve, vous avez vu ça? Ah ouais, la Dream Team. Champion du monde. Champion, mon frère. Bon, et puis vous tous et vous toutes surtout, hein, sinon l'équipe ne serait rien sans vous. Merci d'être là tous les matins. On salue d'ailleurs ceux qui se réveillent avec nous. Bonjour à Lilou. Bisous Lilou. Enfin, bisous, bisous, bisous. On salue Boston qui nous écoute ce matin. Bonjour les amis des États-Unis. Pourquoi vous appelez pas aux States pour les 1500 euros? Ah bah, si tu t'inscris, tu dois pouvoir gagner. Bah, c'est possible. Euros. Ouais, ouais. Tobal. Qui nous salue, bonjour à Drexer, bonjour Drexer, et puis bah bonjour à Justin Bieber, dans un instant on va le retrouver avec DJ Snake, on écoutera Ken Jones aussi, les 21 Pilots, du Alonso, mais tout de suite, je vois que t'as l'enveloppe entre les mains, Romano. Elle n'attend plus que vous. Elle attend plus que vous, c'est l'enveloppe des 1500 euros pour bien terminer la semaine. Allez, un petit chèque de 1500 euros pour vous. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Oui, il faut répondre Skyrock pour gagner 1500 euros, c'est facile. On vous appelle, on vous parle radio, téléphone, Skyrock et hop là, 1500 euros dans la poche. Et hop, j'ouvre l'enveloppe. Et l'enveloppe est ouverte. Et direction Paris, la capitale. Ah, chez les Parisiens. Et nous allons chez la famille Legrand, Nicolas Legrand. C'est hallucinant que ce soit toi qui ouvre une enveloppe et qui écrit Legrand dedans. Avec tes 1m54, c'est pas crédible, Robin. Non, mais c'est Nicolas qui est grand. Ah, Nicolas Legrand à Paris, 5 sonneries, il faut qu'il réponde Skyrock pour gagner ses 1500 euros. Nico. Nico. Allô Nico. Allô, oui. Oui, bonjour Nico. Oui. Comment vas-tu? Ouais, ça va. Ça va, c'est la radio Nico au téléphone, en direct à la radio. Salut Nico. On t'a tiré au sort. Avant, moi, il ne répond pas. Non, bon, tu es trop petit, il ne te voit pas, Romano. C'est Nicolas Legrand qu'on appelle. Bon, Nicolas, on t'appelle ce matin pour t'offrir 1500 euros. Je vais retenter. Salut Nico. Oui. Ah, t'as vu, il te parle. Bon, Nicolas, une question que je vais te poser. Si t'as la bonne réponse, tu gagnes 1500 euros. Quelle est ta radio préférée? Radio préférée? Oui. France Inter. France Inter. Tu sais qu'on a été demandé par France Inter, ils ont voulu nous débaucher l'année dernière. Nous, on est à Skyrock. Hein. Ouais, ouais, ouais. L'année dernière, on a reçu un coup de téléphone du grand directeur de France Inter qui voulait nous prendre. Il voulait prendre Romano pour une rubrique économique. Ouais, c'est pas étonnant. Moi, pour une rubrique beauté, classe et sport. C'est ça, ouais. Cariole pour. Sex-attitude. Sex-attitude. Une émission pornographique de France Inter. Sex-attitude. C'est quoi ce truc? Sex-attitude. Bon, c'est désolé, Nico. C'est sur les câbles la nuit. C'était Skyrock, Nicolas, au téléphone. Ah, désolé. Bon, ben, tu réponds Skyrock la prochaine fois, tu gagnes 1500 euros. On te souhaite une bonne journée. Salut Nico. Salut Nico. Ciao Nico. Salut Parisien. 1500 euros à gagner, on recommence dans une demi-heure. Préparez-vous, 1500 euros. Si vous répondez Skyrock, c'est dans la poche. Et inscription avec 1500 au 7-20-20 pour augmenter vos chances de gagner. On sait jamais. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est vendredi, ça sera pour vous tout à l'heure. Il est 7h08 et dans un instant, réveil de star. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Take all through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Let Me Love You sur Skyrock, c'était bon ça, hein, c'était Justin Bieber et DJ Snake sur Skyrock à 7h11. 7h11, c'est l'heure du réveil de star ce matin et on va faire un test ce matin. Un grand test. On va tester Thomas N'Gijol dans le réveil de star. Pour la première fois, c'est Thomas N'Gijol qu'on va retrouver. Thomas N'Gijol qui est passé hier soir à la télé. Alias le capitaine Bobo. C'est ouais. Le capitaine Bobo. Vous connaissez pas le capitaine Bobo? Dans le crocodile du Botswana. Ah bah tu vois. C'est le nom du film. Petit message à Thomas. Thomas N'Gijol, tu nous écoutes la prochaine fois. Un nom plus facile pour Romano, ah, il a du mal. C'est galère. Tu vois, Bobo, j'y arrive bien. B.O.B.O. B.O.B.O. Mais Botswana, c'est plus dur. Le film est passé hier soir sur W9. Ouais. Capitaine Bobo. Ouais. Ouais, capitaine Bobo. Le capitaine Bobo, il est là. Il rigole pour l'instant, mais il sait pas comment il va être reçu. Parce que on va appeler ce matin pour le capitaine Bobo Didier. Didier, Didier VS le capitaine Bobo. C'est en effet la grande rencontre. Voici le match de ce matin dans le réveil de star. Thomas N'Gijol, alliance capitaine Bobo. Et de l'autre côté, Didier, la rencontre sur Skyrock à 7h13. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de star sur Skyrock. Allez, go, capitaine Bobo. Action. Et Didier, j'adore son accent, nous dit Carmel là sur SMS. Moi aussi, j'adore l'accent du capitaine Bobo. On va voir si Didier y kiffe. Ah. Allô? Bonjour? Oui? Monsieur Didier? C'est monsieur Didier? Oui? Ah, monsieur Didier, monsieur il fallait Didier. Absolument que je vous voie. C'est qui au téléphone? Capitaine Bobo! Bobo je connais pas de capitaine Bobo. N'ayez pas peur, monsieur Didier. Non, je suis pas un gendarme qui a peur, moi. Ah. Et tu es pour qui, hein? Ah non, pas du tout. Je crois que vous faites une erreur, monsieur. Tu crois que je suis là pour faire le beau? Oui, parce que j'aime pas les cons, c'est tout. Mais tu es qui pour t'adresser à moi comme ça, hein? Il y est, mais je sais pas qui c'est, alors. C'est moi le capitaine Bobo. Oui, c'est le capitaine Bobo. Et écoute, tu sais pas, ben moi je vais appeler les gendarmes, d'accord? Capitaine Bobo. Facochet! Ouais, sûrement, t'as raison. Moi-même, j'ai eu la chance de faire mes classes militaires en Bavière. Ah ben oui. Eh ben alors, pourquoi vous m'appelez le capitaine Bobo? Hein? Tu n'es qu'un perturbateur! Non, je suis pas un perturbateur. Tu t'es regardé avec tes grosses fesses là comme l'hippopotame. Oui, bah, ça m'étonnerait que j'ai des grosses fesses d'hippopotame. Rigolo, va. Tu m'agaces. Et moi je suis dans mon lit, alors c'est bon, j'ai... Oui. Oui. Je vais peut-être taper, hein. Ouais, c'est bon, allez, raccroche un peu. Et puis vous les... Laisse tranquille les gens, s'il te plaît. Fin cochère. Moi, je connais pas le capitaine Bobo qui l'a dit. Il est très inquiet. Oui, il est très inquiet. Je ne connais pas le capitaine Bobo. Et pourquoi vous m'appelez capitaine Bobo qui lui a dit, hein? Eh ben, parce que c'est le réveil de star. Les stars réveillent la France. Eh oui. Et c'était le capitaine Bobo qui réveillait Didier ce matin dans le réveil de star. Et dans un instant, info ou mytho. Ah, puis il y a un truc aussi, Romano, dont tu voulais nous parler ce matin. Des infos exclusives. Il y en a tous les matins dans le morning. Et dès qu'on est au courant de quelque chose, évidemment, on vous le fait partager tout à l'heure dans les conseils pas chers. Tu as des dernières... La suite. Oui, les dernières infos sur la grande affaire de la semaine. L'affaire Kardashian. Ah. Et oui. Kim Kardashian. Non, Kardashian. C'est Kardashian. Non, Kardashian. Et oui, les toutes dernières nouvelles. Romano vous dira tout à l'heure. Les dernières infos exclusives. Infos exclusives, Kim Kardashian à 7h40 tout à l'heure sur Skyrock dans les conseils pas chers. Les rumeurs, le complot, tout. Tout, vous saurez tout sur cette grande affaire. L'affaire qui secoue le monde. Le monde s'en relèvera-t-il? Kim Kardashian sera de retour et à la une du morning de Skyrock ce matin, je vous l'annonce. Attention. Ouais. Et dans un instant, je vous l'ai dit, info mytho, iPhone 7 à gagner. Les infos du monde, vous saurez tout également après bah, Ken Jones qu'on écoute tout de suite. Oui. Don't mind, et c'est sur Sky. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Hola. Hola, na. She telling me this, and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson. That I wanna teach, I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, walk in my French. I said, bonjour, my da. Then she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, walk in my French. I said, bonjour, my da. Then she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. African American. For sure, I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She

Mais, mais qu'est-ce que c'est que cette voix? T'es où, Romano? Bah, je suis pas à l'église, là, je suis aux chiottes. Ah, j'ai cru que tu étais allé prier. Non, non, Qu'est-ce que tu fais aux chiottes? Bah, c'est ça, j'avais dit, à 6h, je l'ai senti, j'avais mal au bide, ça a pas manqué. Il a passé 3h hier avec Cédric dans l'émission le soir, et ouais. Hop là, bam. Voilà. Ah, trop d'émotion. T'as rechuté. Bon, ouais, ouais, terrible. C'est l'heure de jouer ensemble maintenant, donc tes infos en direct des toilettes, Romano. Ouais, ouais, ouais. Et Cariole, bah, je la vois, elle est en face de moi. Oui. Donc, tu vas jouer avec eux, il y en a un des deux qui va te raconter un gros mytho, Laura. Attention, attention, fais gaffe. Fais gaffe. Il y a l'iPhone 7 à gagner, hein. Alors, t'es prêt? Okay. On y va. Info, faux ou mytho? Qui dit vrai? Qui dit faux? À toi de détecter le mytho. Et Romano, de quoi tu nous parles ce matin en direct des toilettes? Eh bien, je vous parle d'une Anglaise. Il y a le bonjour de Laure qui est en direct des toilettes aussi. Ça me fait trop plaisir que Romano, ils soient en même temps que moi. Bah écoute, ça fait plaisir. Ah bah écoute, si ça peut te rendre heureuse, je t'embrasse de mes toilettes. Alors, Romano. Alors, moi c'est une Anglaise. Elle s'est retrouvée aux urgences. Car avec son copain, la nuit, ils ont joué avec un sextoy. Le problème, c'est que le sextoy, il est parti trop loin. C'est-à-dire, il est parti trop loin. Profondément. Ah, d'accord. Ah, voilà. J'ai cru qu'elle éjectait le sextoy. Non, non. Le problème qu'il y a, c'est que ni elle, ni son partenaire n'ont réussi à le récupérer. Donc, direction les urgences, info ou mytho. Oh, ouais. Et toi, Cariole? Moi, ça se passe à Montpellier, dans une discothèque. Il y a un client qui s'est mis nu sur le bar, avec une bouteille de champagne dans les fesses, pour souhaiter l'anniversaire à son copain. Un mytho. Alors, quelqu'un qui se met nu sur un bar pour souhaiter l'anniversaire, c'est original. Oui. Tu t'en souviens, moi? Ah, tu t'en rappelles? Ah, ça, c'est classe, original, oui. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Laura? Réfléchis. Est-ce que c'est Romano qui dit la vérité, ou est-ce que c'est Cariole qui dit la vérité? Et sens inverse, ça marche aussi. Bah, je dirais la deuxième. La deuxième quoi? La deuxième histoire. Mais la deuxième histoire, oui, mais mytho ou info? Parce que tu connais le principe du jeu, hein. Je rappelle le principe du jeu. Info, faux ou mytho? Qui dit vrai? Qui dit faux? À toi de détecter le mytho. Alors? Info, la deuxième. Donc, Cariole. Et mytho, et... Du coup, moi, ça serait mytho. Alors, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? C'est pas bon. Oh, non, Romano, info, je dirais. Non, mais maintenant c'est bon, Laura. Ah, ça suffit maintenant. Laura, elle est valide. Ton petit cinéma, maintenant, t'as vu venir. Oui, les deux sont à fond, du coup. Et non, ma chérie, c'est pas ça. Non. C'est ok, pas d'accord. Ça. Tant pis, c'est pas grave, hein, tu sais. Tu pourras venir jouer quand tu veux avec nous. Et tu vas repartir avec ton FIFA 17. Bon, ça, c'est un beau cadeau. Plus ton t-shirt Skyrock. Alors, les histoires, vas-y, Romano, dis-nous en plus. Alors, en fait, ce qui s'est passé, donc, effectivement, les deux avaient beaucoup bu pendant la nuit. Oui. La demoiselle, quand elle s'est réveillée le matin, elle a senti un truc vibrer dans son corps. Donc après une heure de tentative infructueuse pour le retirer, avec son copain, j'ai été obligé de passer un coup de fil. Le plus embarrassant de sa vie, c'est ce qu'elle déclare aux urgences. Elle remercie le personnel hospitalier qui l'a opéré sans la juger. Oh, j'ai bien dû rigoler quand même. Oui, je pense. Ah ouais, quand même. Je pense qu'ils se sont bien marrés également. Ouais. Bon, et Cariole. Et moi, c'est à Londres. Ce soir, il y a une soirée en fait qui va être toute nue. En gros, il faut y aller toute nue. Et si vous y allez toute nue, vous avez une bouteille offerte d'alcool. Mais c'est un super cadeau, dis donc. Bah, c'est sympa. Tu vas y aller? C'est à Londres, c'est un peu loin. Ah merde. Tu as bien réfléchi, Karim. Mais j'aime bien, ouais, le concept. Moi. Bon, Laura, en tout cas, t'as plein d'auditeurs qui disent que t'as une super voix, c'est magnifique, c'est trop beau. Bah écoute, il y a un mois ça. Il y a un mois ça pour t'en faire un gros bisou, en tout cas, ma chérie. Bah, merci à vous aussi. On te souhaite une belle journée, tu reviens jouer avec nous quand tu veux, hein. Ça marche. Tout à l'heure, je vous annonce l'arrivée de DJ Roro. DJ Roro que vous allez retrouver. Tu nous donnes des nouvelles de DJ Roro dans la matinée, Romano? Aucun problème, je suis en liaison permanente avec lui, il arrive. Eh bien écoute, on l'attend avec impatience, ce DJ Roro là. C'est rangé où les jingles, Romano, des infos? Parce que là je suis en train de chercher le truc, ça me prend la tête, ça m'énerve. Alors jingle tout en bas. Jingle tout en bas, mais jingle c'est dans quel rack? Attends, je sors des toilettes. Bon alors, sors vite des toilettes et on arrive donc avec les infos de Rémi. Puis vos 1 500 € à gagner dans un instant. 1 500 €, tu fais du bruit quand tu sors des toilettes. Hein. 1 500 € à gagner si vous répondez Skyrock, c'est 1 500 € dans la poche. Bon, c'est mal rangé. Attends, tes racks. Culotte. Ouais, tu remettras ta culotte plus tard. Ah, tu mets des culottes déjà, toi. Pas le temps de remonter la culotte, le Romano. Bon, les infos, c'est Rémi qui s'en occupe. On y va pour le point sur l'actu tout de suite. Et la météo pour démarrer. Et voilà, et un vendredi automnal aujourd'hui, alternance de nuages et d'éclaircies avec un soleil encore bien visible. Grisaille et ciel bien sombre quand même ce matin dans le nord-est avec peut-être un petit peu de pluie. Bon, ça ira mieux cet après-midi pour ce week-end. Normalement, pas de pluie au programme. L'impression de beau temps dominera aussi bien demain que dimanche et surtout dans le sud du pays. Les températures ce matin comprises entre 1 et 14 degrés, 8 à Paris, de 15 à 24 au meilleur de la journée. Et puis la pollution comme hier, RAS, rien à signaler. Les indices compris partout entre 2 et 4. Et les infos. C'est quoi ces propos? L'info, j'arrive pas à appuyer sur le bouton. L'info et le sport et vos 1 500 € derrière, comme promis. Ouais, des villes rayées de la carte, une catastrophe humanitaire de très grande ampleur dans un des pays les plus pauvres du monde. Le bilan des victimes de Matthew vient d'être revu à la hausse en Haïti. 339 morts, des dizaines de disparus, des milliers de sinistrés. Le cyclone s'est renforcé hier et repasse à 4 sur une échelle qui va de 1 à 5. Il commence ce matin à souffler sur les côtes américaines après avoir fait escale aux Bahamas. 3 millions d'habitants de la Floride, de la Géorgie et de la Caroline du Sud ont été évacués. Plan d'urgence fédéral décrété dans les 3 États. Un couvre-feu a même été mis en place à Daytona Beach. Décision rarissime. Le parc Disney World restera fermé aujourd'hui par mesure de sécurité. Le grand oral d'Alain Juppé hier soir dans l'émission politique de France 2. Le favori des sondages pour la primaire de la droite et du centre se place en candidat du Rassemblement. Il se dit confiant à 6 semaines du premier tour et estime qu'il y a panique à bord dans le clan Sarkozy. Le maire de Bordeaux soutiendra l'ex-président en cas de défaite à condition que le vote soit honnête. Il restera vigilant quant à sa bonne tenue. François Hollande qui n'est pas encore candidat mais qui enfile peu à peu son costume de campagne. Le président a livré hier sa vision de la démocratie. Un texte urgent pourrait faire l'objet d'une seule lecture au Parlement. La reconnaissance des pétitions a également été évoquée avec un débat à l'Assemblée à partir de 500 000 signatures. Enfin, le président est favorable à limiter le mandat des parlementaires à pas plus de 3 afin de permettre le renouvellement des élus. Christian Flech mis en examen entre autres pour violation du secret de l'enquête. L'ex-patron de la PJ parisienne est poursuivi dans l'affaire Squarcini. L'ancien chef du renseignement intérieur est également mis en examen notamment pour trafic d'influence. Christian Flech avait été placé en garde à vue la semaine dernière. Il était de nouveau convoqué hier, mais par les juges d'instruction. On parle sport maintenant. Les Bleus de retour ce soir au Stade de France et à gagner avant 8h du matin. Les places de foot aussi. Allez les Bleus. France-Bulgarie, match éliminatoire en vue du Mondial 2018 en Russie. Victoire obligatoire après le nul contre la Biélorussie. On attend la feuille de match de Didier Deschamps. La grande question porte sur l'attaque. Qui pourra accompagner Antoine Griezmann en l'absence d'Olivier Giroud? Le sélectionneur a plusieurs choix, à savoir Gamero, Gignac et Fekir, qui évoluent parfois avant-centre du côté de l'OL. Avantage pour le premier cité, un Gamero qui joue à l'année avec Grisi à l'Atlético Madrid. Voilà qui pourrait faciliter les automatismes. Coup d'envoi à 20h45 et on va suivre tout ça en direct dans la radio libre. Oui, c'est pas mal comme doublette tout ça. Ah ouais. Et avant 8h, on vous offre vos places de foot, les toutes dernières à gagner pour aller voir le match de ce soir. Vous le suivrez en plus, comme je vous le disais, avec nous entre 20h, 21h et minuit ce soir dans la radio libre. On parle de Kim Kardashian ce matin, les dernières news sur Kim Kardashian, les exclus, les dernières infos en exclus. Tout. Ce sera dans les conseils pas chers. Elle est bien riche. Elle mérite d'être dans les conseils pas chers. Ah oui. Et puis après, bon, je vais gagner de l'argent grâce à elle. Bien sûr. Ça aurait pu être la loseuse de la semaine, Kim Kardashian. On en aura une autre à découvrir avant 8h tous les matins. La loseuse du morning. C'est pour vous, c'est pour nous. Et puis, bah, tout de suite, c'est pour vous. C'est les 1 500 € à gagner. Le morning de Difool. 3 heures de déconne. En direct tous les matins sur Skyrock. The morning show. Eh ouais, mais alors attention, on va être sérieux. Là, on va ouvrir l'enveloppe. 1 500 € à gagner. C'est à l'intérieur de l'enveloppe. Votre nom, peut-être. Oui. Et un chèque, surtout 1 500 € si vous répondez Skyrock. Bien sûr. On y va. Comment gagner 1 500 € en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning show. Et c'est parti à Saint-Brieuc ce matin. Si vous nous écoutez à Saint-Brieuc, 1 500 € pour vous. Qui c'est qui a été tiré au sort à Saint-Brieuc? C'est Elodie. Elodie Euffray. Bonne chance aux Euffray ce matin. Les Bretons, on va voir si ça représente bien en Bretagne. C'est déjà tombé à Brest, à Rennes. C'est pas tombé pas loin du côté de Nantes, c'est tombé à Guingamp. Et allô? Là donc à Saint-Brieuc. Bonjour Elodie. Tu es Elodie? Elodie? Ouais Elodie. Bonjour ouais. Elodie. Ouais. Elodie se dit mais qui c'est au téléphone? C'est la radio Elodie au téléphone, on est en direct à la radio. C'est pas Skyrock quand même. Ah ça je peux pas te dire parce qu'on va faire un jeu là, on va te poser une question quelque chose et il faut répondre pour gagner 1 500 €. Ah non, c'est pas une connerie. Ah non, c'est pas une connerie, te plante pas. Hein. C'est du sérieux là. Ah oui, te plante pas ouais. Ah ouais. Bon, ta radio préférée Elodie? C'est Skyrock. Bah oui, c'est Skyrock. Et donc tu fais quoi là maintenant? Ah, je viens juste de me lever, vous n'êtes pas sérieux les gars, j'ai pas encore allumé la radio. Ah bah écoute, désolé, on t'appellera plus tard la prochaine fois Elodie, mais il faut nous dire alors. Hein. T'as gagné 1 500 €, Elodie. Bravo Elodie, bien joué. Et oui. Et si. Hey, c'est pas ça, vrai. Ça marche pour de vrai. Tu sais, quand à la radio, on dit vous répondez Skyrock, vous gagnez 1500 euros. C'est la vraie vérité. Ah, vraie. Vous êtes sérieux? Mais oui, oui, oui. Ça nous arrive de temps à autre d'être sérieux, Elodie. Oh, mais c'est vrai, je crois pas. Eh bien, tu as gagné 1500 euros, Elodie. Merci. De rien, présente-toi un petit peu. Donc, tu es à Saint-Brieuc, ça on sait, tu t'appelles Elodie, on sait aussi. T'as quel âge, Elodie? J'ai 27 ans, je vais avoir mon 28 ans au mois de décembre. Ouais. Je suis des Côtes d'Armor, Saint-Brieuc. Bonjour tout Saint-Brieuc. Bonjour les Côtes d'Armor, bonjour Saint-Brieuc, bonjour la Bretagne, bonjour voilà. La France, bonjour le monde. Ah, bonjour. Encore voilà. Une auditrice avec une très très belle voix. C'est vrai que les filles, ce matin, vous êtes bien. C'est hein, vrai, ouais. Bon, toi, t'es super. Ah, bah, j'ai les larmes aux yeux. Oh là là, j'y crois pas. Skyrock, la seule radio qui fait pleurer ses auditeurs dès le réveil. Ouais. Ah, ouais. C'est pas mal comme slogan, ça dit dedans. Hein. C'est super. Eh ben, c'est super. On est super contents pour toi, Elodie. Merci beaucoup. Merci. C'est génial. Merci, merci. Oh là là. Oh là là. Bonjour à Lauriane, Sabrina, Justine, Elodie. Les filles, vous pouvez la gratter. Elle est riche. Ouais, grattez-la. Faites une teuf ce soir. On va fêter ça en mamacita ce week-end. Bon, très bien. Oui, les Bretons sont des fêtards et il faut pas déroger à la réputation. Hein. Ouais. Bon, c'est super, Elodie. On fait un gros bisou. Merci, c'est génial. Et surtout, merci beaucoup. On t'envoie tes 1500 euros à la maison. Hein. Oh, oh. Bah, merci beaucoup. Tu vas faire quoi avec ton chèque, là, Elodie? Je vais faire plaisir à mes amis. Ah, bah, les amis, vous en avez de la chance. Vous avez une dédicace gratuite pas chère ce matin. Plus, plus, plus. Une copine en or. Hein. Une copine en or et puis une grosse teuf de prévu. Ça, c'est ouais, génial. Ouais. Bravo Elodie. Merci beaucoup Skyrock. Merci. De rien Elodie. Ciao. Ciao. Et dans une demi-heure, on va vous faire crier aussi, j'espère. Vous répondez Skyrock et après vous avez entendu ce que ça fait. 1500 euros, c'est pour vous. Et on rejoue juste après 8h du matin. Il est 7h38 sur Sky. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Oh là là là là, le rêve. Dès le réveil. Dès le réveil. I just wanna stay in the sun where I find. It's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. You, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But there don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know it's a lie. There were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I've been thinking too much. Help me. Right sur Skyrock, les 21 Pilots. Dans un instant, il y a Alonso qu'on va retrouver. Mais tout de suite, les dernières nouvelles de la belle, sensuelle et bon déformée aussi. Parce que bon, t'as le haut qui correspond pas au bas. Je sais pas, elle a été coupée en deux et ils ont pas mis le bon bas là. Ah non, ouais, c'est terrible. Il y a un truc, Kim Kardashian. Ouais. Les dernières nouvelles de Kim Kardashian, c'est un des événements de la semaine. Ça a bouleversé le monde entier, mais ça fait des trucs de fou ce machin. Kim Kardashian. Kim Kardashian s'est fait cambrioler ses bijoux en France. Bienvenue à Paris, ma chérie. Welcome in Paris. Bienvenue, Kimi. How are you? I am. How are you? Mais de voix de merde, mais c'est terrible. Je comprends absolument rien. Bonjour, madame. Je comprends rien. Je comprends rien, oui. T'as volé des bijoux. Thank you, ah bah écoute, thank you. Thank you very much. Les dernières nouvelles de Kim Kardashian avec les rumeurs, les infos et tout ce que tu as à nous dire ce matin, Romano. Des révélations, je peux le dire. Oui, dis-nous tout. Bon, plusieurs rumeurs courent quant à l'affaire Kardashian. Oui. Soi-disant, ça serait un truc organisé. Ah. Alors, plusieurs scénarios possibles. Ça serait une magouille parce que Los Angeles et Paris sont candidats pour les Jeux Olympiques, les deux villes sont candidates. Oui. Et a priori, ça serait une magouille. Kim Kardashian serait venue à Paris, elle se fait voler. Au même moment, comme par hasard, il y a un mec du comité olympique qui vient vérifier les trucs à Paris. Ouais. Mauvaise image. Paris, c'est une ville pas sûre. Il y a du vol à tout va. Hop, finalement, on le file à Los Angeles. Ouais, et ouais. A priori, entre-temps, il y aurait peut-être une négociation comme quoi Kanye West ferait la cérémonie d'ouverture. Il chanterait. Oui, il chanterait pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. Donc, ce sera un coup monté. Kanye West, Kim Kardashian, la ville de Los Angeles pour récupérer nos Jeux Olympiques qu'on devrait avoir à Paris. Ouais, ouais, ouais. Pas mal la théorie du complot. Ouais, pas mal. Pas mal. Mm-hmm. Et il y a une autre. Mais ça, c'est des enquêteurs français qui sont sur l'affaire. Mmh. Ils sont en train d'enquêter sur l'agent de sécurité qui, au lieu de la surveiller, est en boîte de nuit avec la sœur ou les deux sœurs de Kim Kardashian. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Et il se trouve que ce mec-là, il avait une société de surveillance de célébrité et il est en dépôt de bilan. Il a 1 million d'euros de dette. Ah, donc ça pourrait être. Ça pourrait l'aider un peu les bagues, ouais. Ah, bah ça c'est clair, oui. S'il y en a réellement pour 9 millions, ça va, il a même un peu de marge, quoi. Ouais, et puis la dernière info qu'on voulait vous donner. Et ça va te servir pour tes conseils pas chers. Ouais, ouais, ouais. Glazy dit full. Tu veux que je la donne ? Je suis tellement zémuse. Voici l'info. Kim Kardashian s'est fait braquer et s'est fait voler aussi, en plus des deux bijoux, et ça, on n'en a pas parlé, un de ses téléphones. Et dans ses téléphones, il y a des photos sexy. Ah. Ouais. Il y aura peut-être des photos sexy. Donc bientôt, on va voir Kim Kardashian toute nue. Magnifique. Ouais, magnifique. J'espère qu'ils ont un grand angle, là, pour les fesses. Ah ouais, putain, un grand angle. Ils ont fait des panoramiques, ouais. Ou des panoramiques, des zooms, c'est très bien. Mais là, il n'y a pas le choix. Et ça t'a donné une idée. Écoutez bien, c'est les conseils pas chers. Oui. Les bijoux de Kim Kardashian. Ah bah ça, c'est Romano, hein. Les conseils pas chers sur Skyrock. Et une dernière info, c'est Romano, les bijoux. Oui, ça c'est vraiment la rumeur la moins fiable. On va voir venir les keufs là ce matin, vous allez voir. Ouais, ouais, dans le téléphone, il y aurait même des bon, photos et sextos également. Ouais. Ouais, ah ouais. Évidemment, ouais, toutes les photos sexy qu'elle envoie à Kanye West. Et ce matin, j'ai quelqu'un qui tient à garder son anonymat, oui. Qui aimerait vendre des informations à la presse. C'est Monsieur X. Son surnom. Pour une grosse somme d'argent, il veut vendre ça. Ah bah oui, bah il va pas non plus en faire cadeau. Hein. Est-ce qu'on peut accueillir Monsieur X ? Allô ? Ah, très bien. Allô ? Est-ce que vous m'entendez ? Attends. Ce matin, bonjour. Oui, bonjour, c'est Nice ce matin ? Oui. Oui, bonjour monsieur, vous êtes de la rédaction ? Non. Parce qu'on a une info exclusive à vous donner, j'ai un ami qui est photographe et paparazzi, et il aurait des photos de Kim Kardashian pour vous. Il faudrait rappeler vers 8h10, il y a la secrétaire qui arrive. Je vais vous le passer. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'ai des photos exclusives du téléphone portable de Kim Kardashian. Oui. Des photos d'elle nue et également des sextos. Échangé avec son mari, Kanye West. Ok, faudra rappeler vers 8h10 pour avoir une secrétaire qui vous basculera sur la rédaction. Il n'y a personne là, parce que sinon je vais vendre l'exclu à un autre journal. Il n'y a personne, pas du tout. Tu t'en veux pas une, toi ? Non, merci. Parce que bon, si tu restes toute la nuit, tu gardes le journal, tout ça. Ouais. Ah bah ça peut t'aider un petit peu, je sais pas, de 2-3 heures du matin, une petite photo de Kim Kardashian, tu vois ce que je veux dire. Hop, ouais. Hein, hop là. Et tu te caresses la nouille. Oh. Ah monsieur X, non mais dis donc. Et ouais, je viens de faire des photos de toi, je suis paparazzi. Oui, fais attention, ouais. Le paparazzi traîne. Bon, ouais. Écoute, ni ce matin, je rappellerai peut-être plus tard, je vais essayer d'aller vendre ça ailleurs. Ok. Merci. T'es sympa en tout cas. Salut la Côte d'Azur, salut Nice ce matin. Au revoir. Bon, on va dans un autre journal. Ouais, chez BFM. Bonjour. Ah, on va dans une chaîne de télé. Nous vous demandons de renouveler votre appel en affichant votre numéro. Ah merde. T'as BFM, mais c'est Allô. Ah non, mais c'est quoi ça? J'essaye des effets spéciaux. On va chez le Sud-Ouest. C'est pour qu'on te reconnaisse pas. Absolument, je suis Monsieur X. Bonjour et bienvenue au journal Sud-Ouest. Nous allons vous répondre dans un instant. On est à Bordeaux, là, chez Sud-Ouest. Allô? Très bien, ça. On dirait E.T. Ouais, c'est vrai. Oui, mais je suis Monsieur X, bordel de merde. Ah, c'est Monsieur X. Bon, est-ce qu'ils vont le prendre à Sud-Ouest? Non, mais si vous avez des photos de stars, essayez d'appeler les journaux et de les vendre. C'est jamais, ça peut vous faire des sous. Hein. Je vais vous faire une photo de Romano, je vais vous la mettre sur les réseaux dans un instant. Tiens, essayez de la vendre, je pense que ça vaut de l'or. Et bah, au moins. Au moins. Et puis ça vaut peut-être aussi cher que les bagues de Kim Kardashian. Sinon, appelez-moi une famille, hein, je leur vends des photos à poil de Kim Kardashian. Vous emmerdez pas, je fais tout. Hein. Pas de problème, Monsieur X. Là, j'ai l'impression que ça galère un peu. Là, c'est Madame X, non? Ah non, je suis Iti. Ah, tu es Iti. Ah, bah, faut savoir. Bah, Iti est pas paradis. Bonjour, bah. Sud-Ouest, bonjour. Bonjour, Sud-Ouest. Oui. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Vous m'entendez? Ça va bien, merci, et vous? Ça va bien, ça va bien. Je vous appelle pour une exclue, ça peut intéresser votre rédaction. J'ai des photos de Kim Kardashian, là. J'ai un paparazzi qui est avec moi, il a des photos à vous vendre. Ouais, ah là là. Ah, je vous passe quelqu'un. Allô? Il se réveille plutôt à Sud-Ouest qu'à Nice matin, ouais, a priori. Attendez, on va voir, parce que là, il nous envoie la rédaction, peut-être qu'il n'y a personne. Hein. Oui, le téléphone sonne, mais s'il n'y a personne derrière qui répond. Et ça m'a l'air bien parti. Moi, je vais les récupérer, tes photos, Monsieur X, là. Combien tu donnes? Combien? Bah, t'es un ami, on fait pas payer les amis. Combien? Non, on fait pas payer les amis. Bah, si, quoi, mais on ne se connaît pas, je suis Monsieur X. Ah bah attends. Combien? Combien? Tiens, il y a Vincent, il les veut, les photos. Romano, tu me les envoies, je te donne un croissant. C'est gentil, mais je Vincent. Je ne suis pas Romano. Mais oui, non, c'est non, Monsieur X. Bon, ben. Incroyable, ça. Il va... Bon, ben, Sud-Ouest, il travaille pas plus qu'à Nice Matin. Non, c'est vrai. Merci, Sud-Ouest. Merci, Nice Matin. Et bon réveil à vous et bon réveil à la pauvre Kim Kardashian qui n'en veut pas à la France. Elle a dit ça dans un tweet. Ah ben, tant mieux. Je n'en veux pas à la France. La France ne t'en veut pas non plus. Pour elle, ça représentera toujours la ville de l'amour. La ville où elle s'est dit des mots doux avec Kanye West. La ville du love. Mais je crois que c'est là qu'elle s'est fait faire le bébé. Tu peux changer de voix. Hein. Non, je vais garder celle-là. Ah d'accord, ok. J'aime bien, je trouve que c'est swag. Ouais, c'est clair. Ça fait un peu de nouveauté, c'est pas mal. Dans un instant, la loseuse du jour. On va vous les présenter, une loseuse du jour. Pour l'ensemble de ses carrières, on pourrait lui remettre le titre. Ah. Même si elle a gagné un paquet de thunes et qu'elle continue à en gagner un paquet de thunes. Oh. On la découvre, la loseuse du morning, ça arrive avant 8h. Alonso, on l'écoute avec Binta tout de suite. Binta. Tout de suite après, l'horoscope de l'amour. L'horoscope dans une minute sur Skyrock, il est 7h49. Travis Scott, le prodige du rap US. Découvrez son nouvel album featuring Kendrick Lamar, Kid Cudi, The Weeknd. Inclus Pick Up The Phone featuring Young Thug. Album déjà disponible. Record à battre chez Conforama. Jusqu'au 25 octobre, des prix imbattables sur le meuble, la déco, le multimédia et j'en passe. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Leclerc. Belle maman, regardez-moi ça. Un des incroyables de la foire au vin Leclerc. Un Beaujolais rouge AOP, Morgon, Arnaud au cœur, Côte du Py, vieille vigne 2015. Et médaille d'or au concours des grands vins du Beaujolais 2016. À 6,95€ la bouteille. Quoi? C'est parce que Leclerc sélectionne pour vous les meilleurs vins au meilleur prix qu'à partir du 27 septembre, la bouteille AOP, Morgon, Arnaud au cœur, Côte du Py, vieille vigne 2015 de 75 centilitres est à 6,95€. Voir modalité dans les magasins participants pour votre santé. Attention à l'abus d'alcool. La vraie belle foire au vin, c'est chez Leclerc, le créateur de la foire au vin. L'horoscope de l'amour, on y va. C'est l'horoscope de ce vendredi qu'on va découvrir. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et on va commencer avec la meilleure note, la meilleure puissance amoureuse du jour. C'est pour les taureaux et les verseaux aujourd'hui. Ouais. Vous êtes déchaînés aujourd'hui. Vous êtes d'une humeur festive. Vous êtes de bonne humeur. Vous avez envie de bouger, de sortir, de faire la fête pour rencontrer du monde. Eh bien, allez-y. Vous allez voir, la journée est magnifique. C'est pour les taureaux et les verseaux. 4 sur 5, c'est super bien aussi pour les poissons et les lions. Vous aurez le cœur sur la main. Votre générosité vous sera rendu au centuple. Ah ouais, vous êtes généreux, mais vous récupérez tout, c'est parfait. 3 sur 5, les vierges et les sagittaires, c'est votre discrétion et votre côté un petit peu réservé et mystérieux qui séduira les autres aujourd'hui. 3, c'est pour les vierges et les sagittaires. Le 2, c'est pour les gémeaux et les cancers. Fuyez la solitude aujourd'hui, c'est pas bon pour vous. N'ayez pas peur de vous dévoiler aussi. Et de vous dévoiler notamment aux personnes que vous avez envie de séduire ou à celles que vous aimez, s'il y a encore des trucs cachés. 1 sur 5, les béliers et les balances. Si vous êtes célibataire, il faut pas ruminer les histoires du passé, faut aller de l'avant. Et si vous êtes en couple, votre partenaire vous fera quelques petits reproches aujourd'hui sur votre emploi du temps. Il ou elle se sent un peu délaissé, vous rattraperez ce week-end. Et 0 sur 5, les capricornes et les scorpions. Et ben voilà. Comme toi, Difool. Vous serez un petit peu à côté de vos pompes aujourd'hui. Ben c'est gentil. Ben donc, mais c'est c'est ce qui fera votre charme. Je vais les enfiler. Ah ouais, quand même. Mais sinon, ça nous donne du charme. À côté, hein. Les Capricornes et les Scorpions. Voilà pour l'horoscope de l'amour et la loseuse du jour dans un instant. Ah. La voici, la voilà. Difouli, il la déteste. Ah non, mais non, j'ai rien contre elle, mais je... Non, mais tu l'aimes pas. Elle est bête comme un cul, quoi. Oh. Ouais, ouais, mais je pense qu'elle est pas si bête que ça. Ah bah, c'est bien bon. Ah bah, vous êtes jolie avec vos cheveux que vous avez pas. Ouais. Bah, elle est pas si bête parce qu'elle est quand même sacrément riche, donc... Ah bah, c'est bien bon. Ah mais ça, c'est bien bon. Ah, putain, moi, j'aimerais bien en ton fric, quoi. Ah, c'est bien bon. Bon, on va la retrouver dans un instant. Par contre, pas sa gueule. Vous avez... Oh. Moi non plus. Vous avez peut-être une idée. On la retrouve tout de suite. La loseuse du jour. Remet le titre en direct sur Skyrock. Il est 7h52. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boulot, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout en a pris. Elle vit la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les enfants sous son blabla. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes scars. De Marseille à Paname, on lui veut la part des ans comme ça. Sa langue dans sa bouche. J'ai bien capté ses manigances. Elle ne m'emmènera pas dans sa douche. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent. Toi tu veux ta place et tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent. Toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Sur Skyrock à 7h55, c'est l'heure de la loseuse du jour aujourd'hui. On a longtemps hésité. Hein, parce c'est avait... l'idole de Difool. Oui, je l'adore. On a longtemps hésité parce que d'un côté, on avait Jean Sarkozy, donc on l'a pas pris Jean Sarkozy, on a pris quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est un des fils de Nicolas Sarkozy. Oui, qui s'est fait arrêter par la police de Neuilly après avoir franchi un feu rouge. Il a vu les keufs qui étaient juste là, il a pilé. Vous savez, bon, en même temps, qui l'a jamais fait? Et il a déclaré: j'en ai marre, ça n'arrive qu'à moi. Bah oui, il faut pas passer les feux rouges, Jean. Ah bah oui. Je vais être en retard à la messe. Oh non. Si. Donc, sous le choc émotionnel de son arrestation, Jean Sarkozy a répété à plusieurs reprises: j'en ai marre, ça n'arrive qu'à moi, je vais être en retard à la messe. Donc on s'est dit on va le prendre, mais on a trouvé mieux. Alors là vraiment, je vous conseille d'aller sur les réseaux de Skyrock pour voir la photo. Voici notre loseuse du jour. La loseuse du jour, la loseuse du jour. C'est Céline Dion. Ah. Hey tabernacle. Hey c'est Babon. Bonjour les amis. Hey bonjour. Putain, ça lui fait mal à la tête. Mais pourquoi elle crie tout le temps quand elle est à la télé, Céline Dion? Bah parce qu'elle est excitée, elle fait le show. Elle est contente. Elle fait le show. C'est l'émotion. Ça a été d'une grande émotion. Ah oui. Elle fait le show à l'américaine. C'est ça. C'est bon, t'aimes ça? Oh bah oui, hein, que c'est bon, t'aimes ça. Mon petit lapin. Mon petit lapin. Ouh, ça me fait plaisir de te voir. C'est gentil, Céline. Ouais, alors, Céline, elle reste longtemps. Elle va pas rester longtemps. On va juste leur mettre le titre de l'useuse du jour. Il y a une société italienne qui fabrique des poupées, qui a créé une poupée à son effigie. C'est encore plus moche que la statue de Kev Adams au musée Grévin. Je sais pas si vous avez vu Kev Adams au musée Grévin, la statue. Ouais, horrible. Ils l'ont amoché. Ah, ils l'ont amoché. Ouais. Hein. Hey, Kev, si tu nous écoutes. Hey, je pense que le mec qui a fait la statue, il l'a fait les yeux fermés. Oui. Donc, une société italienne qui fabrique des poupées a créé une poupée à l'effigie de Céline Dion. C'est pour faire peur aux gosses, ça, non? Ah, c'est la gueule qui est là. C'est quelqu'un qui aime pas les gosses. Mais elle est semblante? Ben, le problème, tu vas nous dire, Romano, c'est qu'a priori, il y en a qui trouvent que ça lui ressemble pas du tout. Voilà la gueule qu'elle a. Attends, c'est le truc à gauche là? Oui, c'est ça, ouais, le truc à gauche. Oui. Mais déjà, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? La poupée est... Mais l'autre, ils lui ont fait des dents pourries. Oui. Les dents pourries. Les dents avant l'opération. Elle a un très long cou. Oui, un cou comme une girafe. Et en fait, la tête est un peu disproportionnée par rapport au corps. Eh ben, en fait, c'est une reine des neiges, mais ratée. Quoi. Oui, c'est ça. Céline Dion. Et la photo. Allez la mater. Je vous conseille d'aller sur les réseaux de Skyrock. Ouais. Vous allez sur Insta, vous allez sur Snap, vous allez sur Facebook, vous allez sur difool.skyrock.com. La photo de la statue de Céline Dion. Bah, de la poupée, plus précisément, de Céline Dion. Et l'autre, après, à côté, elle pose avec. Une cruchonne. Bah oui, c'est Céline Dion. Hey, c'est moi. Hey, oui, c'est moi. Hey, que c'est moi la poupée. Hey, oui. Hey, elle est contente. Hein. Mais elle se moque d'elle-même, vous avez vu. Hein. Ça a été d'une grande émotion. Ah bah quand t'as vu ça, ouais. T'as dû faire ouais, un malaise. C'est vrai, ouais. Ce que dit Sandrine Pilou du 06, il y a un air de Conchita Wurst. Vous savez, la femme à barbe là. C'est Conchita Wurst, mais sans la barbe. Sans la barbe, ouais. Bon, la photo, vous allez la mater, rien que ça, ça vous fait rigoler, ça vous met de bonne humeur pour toute la matinée là. Hey, c'est pas moche. Ah bah c'est pas moche, oui, c'est pas moche. Elle est moche, ma poupée. 7h58, on prépare les 1 500 €, c'est dans un instant. 1 500 € à gagner, les infos aussi. Bonne chance à vous et dans 2 minutes, 8h. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, c'est râpé. Comment ça fait râpé? Je suis chez Lidl et aujourd'hui et demain ils font sachet de 2 kg de carottes à 99 centimes. Oh purée. Ah ça on peut le dire patron, et origine France, ça fait moins de 50 centimes le kilo quand même. Oh, tu vas arrêter, oui. Désolé, mais là pour nous, les carottes, ben... Ah, elles sont cuites, je sais, on est mal. On est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 25-45, variété nantaise, 50 centimes le kilo, origine France. Assieds-toi, maman, je m'occupe de tout. Attention, mon chéri, ce couteau coupe très fort. Oui, maman. Et lave bien la salade, hein, mon choubiglou. Maman. Attention à ne pas te brûler, trésor. Maman, je suis plus un gamin, j'ai 32 ans. Si j'ai pu m'offrir ma cuisine Ikea, je peux aussi l'utiliser tout seul. Il y a des choses que l'on aimerait ne jamais voir grandir. Chez Ikea, les prix restent petits toute l'année. Venez vite découvrir toutes nos cuisines à bas prix dans votre magasin Ikea. La nouvelle cuisine Calarpe bleu turquoise est à seulement 379 euros. Ikea. Attention, le TGV magique va partir. Pensez à étiqueter votre balai et à museler votre dragon. Jusqu'au 10 octobre, laissez-vous ensorceler par les offres magiques SNCF. Toutes les cartes de réduction, Enfants Plus, Jeunes, Week-end et Senior Plus sont à moins 50%. Et pendant les vacances de la Toussaint, découvrez des surprises abracadabrantes dans les TGV. Offre soumise à condition, plus d'informations sur sncf.com. SNCF. Hey, à la Banque Postale, ils ont observé qu'il y a des petites ou des grandes voitures, des neuves ou des occasions, des gens qui font du covoiturage ou qui sont en conduite accompagnée. À la Banque Postale, ils ont aussi observé que les assurances auto, elles, ne sont pas aussi variées. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors, ils ont une assurance auto qui colle à chaque conducteur. Et jusqu'au 16 octobre 2016 inclus, ils vous offrent 3 mois sur la prime de votre assurance auto la première année. C'est ça, l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, 15 centimes d'euros TTC la minute. La Banque Postale, banque et citoyenne. La Banque Postale SA est immatriculée au RCS de Paris et à l'ORIAS en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des Assurances. Découvrons Marc Roy de l'Expression qui nous parle de sa victoire au nouveau Boost Ordre du Quintet Plus. Ben, moi j'ai eu les 5 dans l'ordre, hein. Comme quoi cheval qui rit à moitié dans ton pari. Ah oui, et cheval au balcon, quintet à Pâques. C'est pas faux. Avec le Boost Ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garanti en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre. Montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et dans un instant, vos places pour les bleus à gagner. 6h-9h. The Morning Show. So, they waited for a long time, nigga.

2012. La croissance qui cale, l'INSEE a revu les ambitions du gouvernement à la baisse. Le produit intérieur brut s'établira à 1,3% au lieu des 1,6% prévus initialement. La faute, selon l'Institut, à un trou d'air de l'économie au printemps et à une contraction de l'activité. La justice dominicaine qui prolonge d'un an la détention provisoire de Christophe Naudin. Le Français est soupçonné d'avoir participé à l'évasion des deux pilotes français de l'affaire Air Cocaïne. Par ailleurs, l'enquête est prolongée jusqu'en janvier prochain. Christophe Naudin est derrière les barreaux depuis mars dernier après avoir été extradé par l'Égypte. Et du sport, les Bleus qui doivent gagner ce soir et un scandale dans le rugby. Ouais, les Bleus contre la Bulgarie, c'est ce soir au Stade de France. Match éliminatoire en vue du Mondial 2018 en Russie. Victoire obligatoire après le nul contre la Biélorussie. On attend la feuille de match de Didier Deschamps qui pour accompagner Grizzly Antoine Griezmann en l'absence d'Olivier Giroud qui est blessé. Le sélectionneur a plusieurs choix et c'est vers Gamero que ce choix pourrait se porter. Gamero qui joue avec Grizzly à l'Atlético Madrid. Donc forcément, les automatismes sont là. Coup d'envoi à 20h45 et on suivra tout ça dans la radio libre. Oui. Des rugbymen du Racing 92 ont-ils soulevé le bouclier de Brennus en étant dopés? Tous les joueurs ont dû effectuer un contrôle urinaire après la finale du top 14. C'était le 25 juin dernier à Barcelone. Une intervention surprise qui a permis de retrouver des traces de corticoïdes. Elles sont concernées Dan Carter, Rococo et Imhoff. Les produits détectés sont strictement interdits, sauf autorisation spéciale. Bon, a priori qu'ils n'avaient pas. Ah bah, faut voir s'ils arrivent à la justifier. Oui, s'ils avaient une ordonnance, quoi. Voilà. À suivre, alors. Ouais. Merci Rémi, si t'en sais plus, à 8h30, tu nous dis tout. Hein. Il part mener l'enquête. Allez, à tout à l'heure. Il est 8h07 sur Skyrock. Vous vous réveillez avec le morning de Difool. Difool. Et eux, ils se réveillent avec ça. Difool. Romano. Carriole. Cédric. Bon, bah apparemment le réveil de Cédric ne marche pas. 6h-9h. The Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. Et ouais, le morning en direct avec du foot tout de suite. Et avec aussi du foot dans le réveil de stars. Qui va réveiller les familles? Tout à l'heure, Thomas Njijol a réveillé les familles de France. Et là, c'est un grand footballeur qu'on va accueillir et qui va réveiller les familles de France. J'espère qu'il va être bien accueilli. Ça va lui donner la pêche pour ce soir. On espère. On s'en occupe. Et puis tout de suite, vos places pour France-Bulgarie. On n'oublie pas les 1500 euros. Je viens de remettre l'enveloppe à Romano. Ne la perds pas. Non, elle reste dans ma main. 1500 euros à gagner si vous répondez Skyrock. Mais du rugby, c'est tout de suite. Ah, on va parler d'embrouille de couple. C'est bien ça. Ouais. Écoutez bien, place du rugby. Du foot. Ouais. Du foot, c'est tout de suite. On va parler embrouille de couple. Et c'est du foot, hein, puisque c'est France-Bulgarie qu'on vous offre. Skyrock t'offre France-Bulgarie. Ce soir au Stade de France. Voici la question que je vous pose, il faut y répondre tout de suite si vous voulez aller voir le match de ce soir au Stade de France. C'est gratuit, c'est avec Skyrock, on a les places par deux à vous filer. Et on va parler d'un joueur de l'équipe de France qui s'embrouille avec son ex. Une situation d'ailleurs qui inquiète son club et qui inquiète aussi un petit peu les Bleus. Quel est ce joueur de l'équipe de France qui s'embrouille avec son ex? Alors, ça part en couille parce que ça part sur les réseaux sociaux, ça part partout. Ça parle mal, quoi. Ça parle mal. Tiens, écoutez d'ailleurs une embrouille, une petite embrouille avec son ex, sa femme, la totale. Elle a pas de quoi? Zéro fiac. Zéro quoi? Zéro fiac. C'est quoi fiac? C'est les fesses. Elle a pas de fesses. Ah d'accord. Ouais ouais. Ah je connaissais pas ce mot. Non, ça, elle parle d'elle comme ça les deux. Les deux s'embrouillent, c'est son ex et puis ça son actuel quoi. Elle est intelligente elle. Oui, tu trouves. Elle a son fiac. Fiac. Son fiac. Son fiac, exactement. Ça, c'est la nouvelle, ça. T'auras pris un truc. Ah, son fiac. Plutôt que de prendre des snaps, pourquoi elle suit pas le match de son mec? C'est pas comme ça qu'il va marquer des buts, Anthony. Hein. Ah, vous avez le prénom. Le prénom, déjà. Ah, ça peut peut-être vous aider, le prénom. D'autres punchlines? Elle a un nez comment? Ah. Un nez crochu? Ah. Ouais. Ah. Très crochu? Bah là, elle se balance. Ça va bien avec le truc avec le gosse. Ouais, bah là, c'est bien sale. Laisse-la s'amuser. Le gosse, il a rien demandé, quoi. Les punchlines de maman, c'est les meilleurs. Les punchlines de maman, c'est les meilleurs élections gosse encore, là, t'as vu? Bon, alors, vous avez le nom du joueur. Laissez vos réponses. Ça vaut l'eau, hein. Mon pauvre Anthony. Non, mais le pire, c'est pour moi, c'est pour l'enfant, il a rien demandé, il participe aux embrouilles. Ouais, bah, il fait pas grand chose, il fait. Ah, grandé, ah, bah, allez, comment? Non mais c'est ce qu'il dit dans le truc, moi je peux rien. T'as dit fou, tu vois les îles Monet, ça le met sur les nerfs. Devine pourquoi? Je sais pas, bizarre. Je parlais des mecs qui me harcèlent. Ouais, mais bizarrement. Bon, vos réponses très vite et puis on vous retrouve avec vos places dans un instant. Mais tout de suite, allez, les 1500 euros à gagner. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Eh oui, il faut répondre Skyrock. Ouvre vite cette belle enveloppe, Romano. Oui, j'ouvre. Oui, ouvre. Oui, j'ouvre, maître. Oui. Alors, nous allons à Tournefeuille. C'est à côté de Toulouse. Dans le 31, ouais. Et c'est Juliette Catala. Eh bien, on va chez les Catala ce matin. Juliette Catala, il y a une demi-heure. Famille Catala. Ça tombait chez Elodie. C'était peut-être la matinée des filles ce matin, hein. On sait jamais. Hein. 1500 euros à gagner à Tournefeuille. Allô, Juliette Catala. Bonjour, Juliette. Qui est à l'appareil. Qui est à l'appareil, c'est la radio, Juliette. On est en direct à la radio. Ah bon? Eh oui. La France. La France entière t'écoute, Juliette. Oh bah. Bravo Juliette, bravo. La France entière et le studio te dit bonjour. Ouais Juliette. Bon, Juliette, on t'appelle, c'est pour t'offrir 1 500 € ce matin, Juliette. C'est un jeu. Mais je crois pas au Père Noël. Hein, mais on n'est pas le Père Noël. C'est pas la saison là. On est Skyrock, Juliette. On n'est pas le Père Noël. Est-ce que j'ai une gueule de Père Noël? Non. Déjà, on m'a déjà dit que j'avais le nez de Zlatan, donc j'ai pas la gueule du Père Noël en plus. Pas encore. Bon, désolé pour Juliette. On garde le chèque pour tout à l'heure. Dans une demi-heure, on recommence. 1 500 € à gagner sur Skyrock. C'est pour vous à 8h30 tout à l'heure. Il est 8h11, le réveil de star, une star du foot qui arrive. Et puis DJ Roro, du son, du foot. Et puis du son aussi, même. Et la réponse aussi pour le jeu pour les places. Évidemment. Et puis Rihanna et Calvin Harris tout de suite. C'est This is what you came for sur Skyrock. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Des réveils. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at Came for. Les Fifth Harmony arrivent et il est là avec nous, c'est Gaël qu'on a au téléphone en direct d'Anières. Salut Gaël. Ouais, d'accord, et pas merci. Gaël, t'es en cours? Ah oui, il est en cours. Ouais, il va au bahut, ouais. Ah, c'est pour ça. On m'a dit, je vais au bahut, je suis en retard. Ah, mais là, je pense qu'il est dans la salle de cours. Ah, fais voir. Gaël. Eh, hey, Gaël, tu suis le cours? Tu vas voir, on va appeler ta prof. Gaël. Ah, bah ouais. Ah bah ouais. Il est en cours, ouais. Ah, il est en cours. On est dans une salle de cours ce matin. Putain, merde. Allô. Ah, ouais, Gaël. T'es là? Oui. Ouais. Bon, j'entends la prof, tu la salues derrière. T'es, hein. T'es en cours de, quoi? Là, je vais en écho. Tu vas en écho, très bien. Bon, alors, Gaël, la question qu'on a posée, c'est quel est le joueur de l'équipe de France qui s'embrouille avec son ex? Et c'est une situation qui inquiète et les Bleus et son équipe à lui. Alors, qui c'est donc? Anthony Martial. Anthony Martial, c'est gagné. Bravo. Bien joué, man. Bravo, Gaël. Bien joué. Eh, vous pouvez jouer en cours avec nous, c'est cool. Hein. Ouais, faites gaffe quand même au prof. Hein, oui, ouais. faut le faire discrètement, mettez la tête sous la table. À la base, c'est pas autorisé quand même. Ce soir, Gaël, après une journée elle de cours. Déjà, là. Ah, tu vas aller au Stade de France pour assister à France-Bulgarie. Les places, elles sont pour toi et le match, il est à suivre ce soir sur Skyrock. Si, oh, pas collé, si tu te fais pas coller, ouais. Hey, vas-y avec ta prof. Ouais, bah voilà. Si elle t'engueule, propose-lui. Ouais. Non. Hey, madame Michu. Là, tu dis, madame, j'ai gagné deux places, je l'ai pas bien avec moi. Bravo Gaël, deux places de foot. Et donc ce soir, 21h minuit, dans la Radio Libre, on suivra le match des Bleus, on donnera des notes aux Bleus. Bravo Gaël, et bonne journée en cours. Hein. Bravo, bon courage et bonne économie. Ah ouais. Il est reparti en cours, là. À tout de suite, Gaël. À tout de suite. Ah, bon courage pour prendre son annonce. Moi, j'adore. Hier, on a offert 1 500 € dans des toilettes. Aujourd'hui, on offre les places de foot. Dans une salle. Dans une salle de cours. Et c'est pas fini, parce qu'on va jouer ensemble dans, 5 minutes, avec DJ Roro, on se prépare, mais tout de suite notre réveil de star. Et attention, une grosse star, une star du football ce matin, bah ouais, pour préparer le match, c'est bien, hein. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de star sur Skyrock. Bonjour. Bonjour. Très bien. Ça va bien. Mais c'est Didier. Mais c'est Didier Deschamps. Je suis l'entraîneur. Eh ouais, tu es l'entraîneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps. J'espère que le contact va être bon. J'espère que ça va le motiver pour ce soir. On va le mettre en contact avec Loïc. Didier Deschamps et Loïc. Un des réveils de stars que j'affectionne, comme on le dit à la télé, tout particulièrement. Oui, vous allez voir pourquoi. Loïc, allez. Didier Deschamps, c'est votre réveil de star. C'est Didier Deschamps. C'est Didier Deschamps. Et nouvelle coupe, nouveau swag. Hein. Je suis blanc de platine. Allô. Bonjour. Oui. Très bien. Bah qui est-ce? Je suis l'entraîneur. L'entraîneur? C'est moi qui entraîne les joueurs. Les joueurs de quoi? Je m'attendais pas à ce que la place de sélectionneur soit libre, donc. Oui. L'équipe de France a toujours été au-dessus de tout. Et oui. Ah ouais, putain, mais t'es Didier Deschamps carrément alors. Et voilà. Oui. T'as fumé combien de pétards toi? 23. Ouais, non, mais il faut de toute façon. Ah oui. Voilà, je pense que dans la vie, il y a des leaders et il y a des suiveurs. Ouais, et toi, tu fais partie des suiveurs, en fait. C'est les autres qui roulent le joint pour toi. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Bon, sinon, pour en revenir au début. Ouais. Champion du monde. Il croit, toi. Champion du monde, ouais. Mmh. Et donc, là, tu fais quoi? Tu joues au baby-foot avec tes petits copains, alors, non? Vous êtes trop curieux. Ah bon? Ah oui, c'est vrai que la fontaine, c'est top secret. Première question, les trois premières questions, elles sont gentilles. Et puis après la quatrième, on me la pose en blanc, en gris, en jaune, en vert. Bah c'est vrai, bon, enfin, si c'est vraiment Didier Deschamps, super, j'étais content. J'ai jamais refusé un autographe, une photo, les gens, ils me dérangent pas. C'est bien, Didier. Ouais, salut Didier. Allez, à fond. Allez, à fond, hein, à fond, Didier Deschamps. Didier Deschamps, bien accueilli, je suis content, ça va motiver, c'est bien, ça. C'est bien. Didier Deschamps et Loïc. Il a fumé 23 juin, Didier. Bah ouais, mais 23 joueurs, 23 juin. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'il est dans le jaune. Et il est champion du monde. Ouais, ça avait l'air d'étonner Loïc, champion du monde. Et je suis blanc de platine. Et il est blanc de platine ces temps-ci avec une nouvelle coupe magnifique. Ah, même que Trump, ouais. Je suis à la mode. Bravo Dédé, oui, il a pris la coupe Trump, mais moi. Ah, je suis tout aplati, je lisse avec ma base. C'est moins bouffant, vous voyez, c'est moins volumineux. Exactement. DJ Roro arrive, les stars s'enchaînent. Anthony Martial, Didier Deschamps. Et DJ Roro. Ok, Harmonico. Harmony, les fils Harmony qu'on écoute tout de suite sur Skyrock. C'est bien ça, ça rappelle déjà des souvenirs. Boom, c'est Worth It, une découverte Skyrock à 8h20. Give it to me, I'm worth it. Bring it back like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off. Could you act a shy for? Come and show me that you. Just give me you, just give me you. Just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, If it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff. Guaranteed, I can back it up. I think I'ma call you bluff. Hurry up, I'm waiting now from. Uh-huh, you see me in the spotlight. Ooh, whatever your style. Uh-huh, show me what you got. Cause I don't wanna waste my time. To me, I'm worth it. It's all on you, so what you wanna do? And if you don't have a clue, not a clue, I'll tell you what to do. Come harder just because I don't like it too soft. I like it a little rough, not too much, but maybe just enough. You see me in the spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got, cause I don't wanna waste my time. See me in the spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got now, come on, make it worth my while. Give it to me, I'm worth it. C'était Léo Fifth Harmony sur Skyrock. Worth It, et c'est DJ Roro tout de suite. Okay. Il a formé David Guetta. Ok. Ouais. Enfin, c'est ce qu'il raconte. Hein. Voici DJ Roro sur Skyrock. Ouais, il a formé David Guetta. Vous entendez ça quand même. DJ Roro est avec nous ce matin. Bonjour à tous. Bonjour DJ Roro. Bonjour la France. Salut. Salut les ladies. Salut les boys. Kikou les boys and girls. Kikou les boys and girls. Ouais, salut Mathieu Delormeau. Kikou les boys and girls. Oui, bon, ta gueule maintenant. Kikou les boys and girls. Bon, il va se prendre d'abord pif, lui, il va se faire sortir par la sécu. Ouais, on voit la sécu, on voit le videur. Alors bonjour, comment vous allez? Ça va. Et toi, comment ça va ce matin? Vous êtes fatigué? On n'est pas fatigué. Et bon. Le vendredi, c'est le jour de DJ Roro. La question de sélection, c'est tout de suite. Question de sélection, il faut reconnaître le morceau que va vous interpréter avec sa voix de d'or, DJ Roro, ce matin. Il chante très bien, il a le rythme de la peau. The Golden Voice. The Golden Voice, appelons-la comme ça, tiens. La Golden Voice de DJ Roro. Un morceau à découvrir. Vous laissez le titre ou alors le nom de l'interprète le plus vite possible, dès que vous avez reconnu le truc. Chien cacao. Le morceau. Annie Cordy. Ah, pas du tout, mais ça, c'est pour ambiancer, quoi. Ah, d'accord. Voici donc le morceau interprété par DJ Roro ce matin, et après, on testera nos connaissances musicales. Ouais, je suis sûr qu'on est des candidats ce matin. J'annonce qu'on va prendre un garçon et une fille qui vont se battre l'un contre l'autre pour gagner l'iPhone 7. Vous voulez votre iPhone 7? Écoutez. One boy, one girl, hein. Mmh. Ok, c'est bardi. Il chante. Enfin, il va essayer. Je la sens pas, celle-là. Vous allez galérer, je vous le dis d'avance. Je dis, je crois que le jeu va être annulé, je vais repartir avec l'iPhone 7. Nana, ni, nana, nana, nana, ni. C'est pareil. Je prends pas les commentaires, merci. Alors, est-ce que c'est Rihanna? Je regarde les messages qui arrivent, vous pouvez les envoyer. Rihanna pour Elmer. Non, c'est pas Rihanna. Non. Est-ce que c'est Starboy de The Weeknd pour Nial? Ah non, pas du tout, non. Non, est-ce que c'est PNL? Non plus. Non, est-ce que non, c'est. Non, c'est pas Aïcha non plus. Non. Aïcha, non, c'est pas. C'est ce que j'allais dire. Non, moi j'ai reconnu. Plus. Non, mais et alors je vais donner un petit indice. C'est un mois de l'année. C'est un mois de l'année et c'est également une barre chocolatée. Exactement. Na, na, na, na, na, na, na. Ouais, j'ai pas fait si mal que ça.

Allez, 8h30, on joue vite avec DJ Roro. C'est l'heure de gagner vos iPhone 7. On accueille nos deux gagnants parce qu'il y en a qui ont trouvé. Il y en a qui ont trouvé la bonne réponse. Mais oui, mais oui. Allez, c'est parti. Il mixe avec ses pieds. Enfin, surtout comme un pied. Voici DJ Roro sur Skyrock. Et les deux participants, les deux gagnants, les deux plus rapides à avoir donné la bonne réponse et avoir reconnu le beau morceau que tu vas nous réinterpréter pour notre plus grand plaisir, DJ. Ok, aucun problème. C'est Amélia d'un côté à Vienne. Salut Amélia. Salut Amélia. Salut vous, salut l'équipe. Salut, bisous. Salut. Et de l'autre côté, c'est Guillaume de Rennes qui est avec nous. Salut Guillaume. Salut Guigui. Salut Guy. Faites-vous un bisou tous les deux. On tient beaucoup aux bisous avant que vous battiez à mort. Bisous. Un bisou. Et attention, moi je vais chanter. Alors, écoutez bien. Na, na, na, na, na. Heureusement que Diffou l'a chanté, nous dit Guette sur SMS. Ah ouais, bon. On a pas demandé de commentaire. Na, na, na, na, na, na. Vous avez reconnu. Ok. Bruno Mars. Bravo. Bruno Mars. Et ouais. Et un point chacun. Bruno Mars avec Treasure. Ça vous fait déjà un point à tous les deux. Le gagnant ou la gagnante sera le premier ou la première à arriver à 3 points. Et là maintenant c'est l'heure du mix de DJ Roro. C'était bien Bruno Mars avec Treasure. Oui, juste un petit commentaire. DJ Roro n'est pas venu les mains vides ce matin. Ah bon? Je suis venu avec une exclue. Ah bon? Ah ouais. Eh oui, je vous ferai ça écouter ça dans quelques minutes justement, concernant Bruno Mars et ça repart. C'est Bruno Mars et ça repart. Et c'est le nouveau Bruno Mars qu'on vous fait écouter dans un instant, vous me direz ce que vous en pensez. 24K Magic. C'est le titre de Bruno Mars. Merci DJ Roro pour ton exclue exclusive. Ah, exclusive, totalement exclusive. C'est l'exclue exclusive. Alors attention, c'est parti, nous allons partir dans le game. Amélie. Guigui, vous êtes prêts? Oui. Alors attention, je vais vous faire écouter de la musique. Le premier ou la première qui découvre le titre marque un deuxième point. Musique. Égalité. Égalité. DJ Roro a dit égalité, ça fait donc deux partout. Attention. Vous avez reconnu Joule. Paranoïa. J'en ai plus rien à foutre. Et des places à gagner pour Joule avant 9h du matin sur Skyrock et toute la journée dans la roulette. Et attention. Partout. Attention, c'est la balle de match. Déjà. Et oui, de partout, celui ou celle qui marque repartira avec l'iPhone 7. Et je dis musique maestro. Starboy. Ouais. Ouais, bien joué. Ah bah t'as le titre. Ouais, Starboy, c'est The Weeknd. Un son qu'on vous a passé il y a quoi, 15 jours, 3 semaines en exclu sur Sky dans le morning. Eh ouais, parce que DJ Roro a aussi les nouveautés. J'acceptais Starboy parce que c'est le titre, j'acceptais The Weeknd et puis j'acceptais aussi Daft Punk parce qu'ils sont aussi sur ce morceau. Bien joué Guillaume. On l'écoutera avant 9h aussi Starboy. Et un iPhone 7 pour Guillaume ce matin. Bravo. Bravo Guillaume. La chienne de mes 68, c'est pas possible. Eh ben c'est magnifique. Là. On dit comme ça, Rennes. Quand on est heureux. C'est une expression perso, mais là, oh là là là là. J'en ai un téléphone de merde en plus. Oh là là là. Eh ben le nouveau téléphone arrive la prochaine fois que tu passes sur Skyrock. C'est avec ton nouveau téléphone, l'iPhone 7 offert dans le morning ce matin. Bravo Guillaume. Ah, ça fait trop plaisir. Eh ben ça fait plaisir. Amélia, par contre, attends, parce que Amélia, tu ne vas pas repartir sans rien. Tu es tellement charmante que je. Déjà, je t'invite dans ma cabine. Déjà, on t'invite dans la cabine. Plus le t-shirt Skyrock, plus FIFA 17 qu'on t'envoie à la maison. J'ai déjà de FIFA, du full. Eh ben, un maillot de foot si tu veux, ou un autre jeu au choix, c'est comme tu veux. Hein. Bah, je vais réfléchir avec Cariole. Tu penses ce que tu veux, poupée. Ouais, DJ Roro est royal. DJ Roro est royal au bar ce matin. Et une entrée merci gratuite au Boui Boui Club, le club préféré de DJ Roro à Ibiza. Ouais, ça commence en novembre. Ouais. Et Guillaume, on est content pour toi. Bien joué l'iPhone 7 à la maison. Bravo, Guigui. Ben, ça fait plaisir, franchement. Salut à toi. Beaucoup, les gars. Est-ce que vous voulez un petit bout de l'exclu de DJ Roro Bruno Mars? Vas-y, balance un peu. Dans un instant en entier. Bruno Mars. 24K Magic. Ben, 24K, ça veut dire 24 000. Yes. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis intelligent, hein. T'es très intelligent. Je trouve. Yeah, nigga. On l'écoute en entier dans un instant, juste après les infos. Ah oui, parce qu'il faut attendre la suite, là, c'est que le début, hein. Vous avez vu, ça me fait déjà bouger la tête, moi. Oui. C'est validé par Rémi des Infos, alias l'Américain de Vernon. En Normandie. Bruno Mars, le nouveau, écoutez juste après les infos. Vous nous direz ce que vous en pensez en entier. On écoute tout ça, on écoutera du Soprano, The Weeknd, on l'a promis, vos places pour Jul. Et tout de suite, vos infos, il est 8h35. Oh, dans 5 minutes de retard, c'est pas grave, c'est le week-end. Tranquille, Emile. Et les infos, ça démarre par la météo sur Skyrock. Et un vendredi un petit peu automnal aujourd'hui, alternance de nuages et d'éclaircies avec un soleil quand même encore bien visible. Ne vous inquiétez pas, il y a un petit peu de grisaille ce matin, c'est bien sombre dans le nord-est, mais ça ne va pas durer. Ça va aller mieux cet après-midi. Pour ce week-end, pas de pluie au programme. L'impression de beau temps qui va dominer aussi bien demain que dimanche, et surtout dans le sud du pays. Les températures ce matin comprises entre 1 et 14 degrés, 8 à Paris, de 15 à 24 au meilleur de la journée. Puis la pollution, bah comme hier, rien à signaler, les indices sont compris partout entre 2 et 4. Et le poids sur l'actu, tout de suite, on prépare les conseils pas chers aussi, puis la compile qui va concerner justement les boîtes. Les boîtes, les clubs. Et les conseils pas chers, foot. Et les conseils pas chers. Allez foot. Les bleus. Et l'actu et le foot aussi, on s'occupe de tout avec toi, Rémi. Haïti qui compte ses victimes après le passage de Mathieu. Le bilan a été revu à la hausse ce matin. 339 morts, des dizaines de disparus, des milliers de sinistrés. Le cyclone s'est renforcé et repasse à 4 sur une échelle qui va de 1 à 5. Il commence ce matin, là, ça y est, à souffler sur les côtes américaines. Après avoir fait escale aux Bahamas, 3 millions d'habitants de la Floride, de la Géorgie et de la Caroline du Sud ont dû être évacués. Plan d'urgence fédéral décrété dans ces trois États. Un couvre-feu a même été mis en place à Daytona Beach. Décision rarissime, le parc Disney World reste fermé aujourd'hui par mesure de précaution. Sauvé Alep de la destruction. Réunion aujourd'hui du Conseil de sécurité des Nations Unies à la demande de la Russie. La situation est alarmante. Selon un rapport de l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie, il estime que si aucune solution n'est trouvée, eh bien, l'Est d'Alep sera complètement radié d'ici la fin de l'année. La ville est bombardée quotidiennement. 275 000 personnes sont assiégées par les forces de Bachar el-Assad, appuyées par Moscou. 33 prisons construites dans les prochaines années, annonce faite par Manuel Valls pour remédier à la surpopulation carcérale. 9 projets sont prioritaires dans les agglomérations de Nîmes, Strasbourg, Toulouse, Nice ou encore en Île-de-France. La première phase mettra à disposition 3900 cellules supplémentaires. Un futur centre d'accueil de migrants pris pour cible dans l'Isère. Des coups de feu ont été tirés dans la nuit de mercredi à jeudi sur les fenêtres du bâtiment à Saint-Hilaire-du-Rosier. Des inscriptions hostiles ont également été constatées. Il s'agit de la deuxième attaque en deux jours. Un autre acte d'intimidation a été perpétré à Saint-Brévin, Loire-Atlantique. Et les Bleus contre la Bulgarie, c'est ce soir au Stade de France. Et des news aussi de Super Mario Balotelli. Ouais, match éliminatoire en vue du Mondial 2018. Le rendez-vous est pris, 20h45, pour suivre tout ça dans la radio libre. Victoire obligatoire après le nul, je vous le rappelle, contre la Biélorussie. On attend la feuille de match de Didier Deschamps. Antoine Griezmann sera titulaire, c'est sûr, mais qui pour l'accompagner en attaque à cause de l'absence d'Olivier Giroud? Eh bien, le sélectionneur a plusieurs choix, mais c'est vers Gamero qu'il pourrait porter son attention. Gamero qui évolue, je vous le rappelle, avec Grisi à l'Atlético Madrid, voilà, qui pourrait simplifier un petit peu l'attaque française. C'est pas mal, ouais. Ouais, carton rouge retiré pour Mario Balotelli, décision sans surprise de la commission de discipline de la Ligue. L'arbitre avait reconnu avoir été un petit peu dur avec l'attaquant des Aiglons le week-end dernier face à Lorient. Il pourra donc jouer contre Lyon vendredi prochain à l'Alliance Riviera. Voilà, ça fera un beau match ça aussi. Ouais. Merci Rémi pour les infos. Il est 8h38, c'est l'heure de vous offrir 1500 euros avant d'écouter le nouveau Bruno Mars sur Sky. La nuit a été courte, la journée sera moins longue avec le Morning de Default sur Skyrock. Eh oui, 1500 euros pour vous, les conseils pas chers. Spécial football, comment gagner de l'argent grâce au foot? Il y a plein de foot dans il y a plein d'argent dans le foot. Et ce matin, on va s'occuper des Bleus, forcément, match des Bleus ce soir. Oui. Et puis c'est bien parce que ça va permettre également de tester la cote de popularité un peu. Des Bleus? Ouais. C'est bien. J'aime bien les Bleus, moi. Oui, ça va. Ça va mieux qu'une période. Oui, c'est sympa. Et on aura notre compile du morning. La compile du morning ce matin, c'est les clients amochés en boîte de nuit. Ah, il y en a. Une compile de story de clients amochés en boîte de nuit. Vous en avez peut-être connu, vous avez peut-être déjà été très très amochés en boîte de nuit. Vous pouvez nous envoyer vos messages au 41759 avec l'appli Skyrock aussi. Et sinon, vous pouvez même nous envoyer les photos dossiers que vous avez de vous, de vos amis. Hein. N'hésitez pas, c'est avec l'appli Skyrock, ça marche très bien. Hein. Moi, je crois que mon meilleur souvenir, bon, c'était une boîte de nuit, mais sur la plage, quoi. Ouais. Et ben là, c'est une meuf qui a pissé devant tout le monde. Je crois que là, j'étais au summum. C'était Paris Hilton? Non, la meuf, elle tenait plus debout. Ils l'ont mis un peu à l'écart. Et en fait, la meuf, ils l'ont posée dans le sable. Elle est avec les jambes écartées. Et Cariole, elle me dit, regarde, elle est en train de pisser. La pas manqué. Elle le faisait pendant. Et il y avait une flaque et tout le monde la regardait. La honte. Ah ouais. Il y en a qui la filmaient et tout. Elle s'est retrouvée sur tous les réseaux sociaux. C'est... La meuf, sans vergogne. Elle était dans un état, elle était pas bien. On imagine. Bon, j'ai une enveloppe et les 1500 euros dedans, on l'ouvre. Ouais. C'est parti. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. 1500 euros dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Ouais, maintenant, pour vous, 1 500 € à gagner. Et c'est qui va tenter de gagner les 1 500 €? Bah, celui qu'on va appeler ou celle qu'on va appeler. On va dans le 77. Si vous êtes en Seine-et-Marne ce matin, il y a 1 500 € sur Skyrock. Seine-et-Marne, à Champs-sur-Marne. Tombe bien. Et on file chez les Bouraïma Amsatou. Bonjour la famille. Bonjour, bonjour. Amsatou, tu es Amsatou? Vous avez trouvé notre numéro, monsieur, parce qu'on m'a porté plainte. Vous avez appelé 5 fois depuis ce matin. Ah 5 non. fois. Ah oui, non, 5 fois. Tu as un problème, tu as quelqu'un qui te harcèle, ma chérie. C'est pas nous, on est innocents. Moi, je suis innocent, je viens d'ouvrir une enveloppe. Et tu es à bout de nerfs, ma chérie. Alors qu'on avait un gros cadeau pour toi. Eh ouais. Allô? Allô? Oui. Ah bah oui. Les nerfs ont lâché. Ah bah on avait le téléphone aussi. Que... Il y a des gens comme ça qui sont lâchés. Mais il faut se réveiller avec Skyrock. Vous avez vu comment on est de bonne humeur, nous. Bah ouais, ça détend. On a du bon son, on a des moyens de gagner de l'argent. Bon, tant pis qu'elle était de mauvaise humeur. Ouais, tant pis pour le 77 ce matin. On dit un grand bravo à Elodie. Il va pas falloir la faire chier, elle, aujourd'hui. Elodie, elle, ça l'a mis de bonne humeur, les 1 500 €. Heureuse, émue. Elodie, elle a gagné tout à l'heure 1 500 €. Faites comme elle, hein, si vous voulez gagner 1 500 €. Vous répondez Skyrock comme Elodie, ça s'est passé comme ça. C'est la radio, Elodie, au téléphone. On est en direct à la radio. C'est pas Skyrock quand même. Ah ça je peux pas te dire parce qu'on va faire un jeu là. On va te demander, on va te poser une question, on va te demander quelque chose et il faut répondre pour gagner 1 500 €. Ta radio préférée, Elodie? C'est Skyrock. T'as gagné 1 500 €, Elodie. Bravo, Elodie. Bravo. Bien joué. Ah, vous êtes sérieux? Mais oui. C'est la radio qui fait crier comme ça. Ouais. Si vous répondez Skyrock, 1 500 € à gagner. Et le nouveau Bruno Mars pour se réveiller ce matin. Bruno Mars est de retour. 24K Magic. 24K Magic. Ah ouais. C'est le nouveau Bruno Mars. Écoutez bien, dites-nous ce que vous en pensez. Et juste après, vos conseils pas chers. Players. Yeah. Oui, Bruno Mars sur Skyrock, c'était le nouveau Bruno Mars. Oui. Ah pardon. J'enlève ma passe à l'âge. Voilà, c'est bon, merci. Le nouveau Bruno Mars. Et à suivre, le son de The Weeknd et des Daft Punk et le son de Sopra aussi. Ah, un petit Sopra le matin, ça fait du bien, ça. Ouais. Ouais. Dangereux ce son, j'ai pété mes enceintes. Ah, ça vous a plu, Yara. Ouais, nous, nous a pété les couilles, Rémi, nous. Franchement, c'est de la bombe. Ouais, Rémi a chanté, dansé, tapé dans les mains. Ça a cassé les couilles pendant tout le titre. Hipster du 13 qui nous dit, ça fait du bien, du bon funk. Ouais, c'est funky. C'est Funky music. Funky music, le nouveau Bruno Mars. Bon, alors. Voilà, ça va être bleu. Maintenant c'est bleu, c'est allez, les bleus. Les bleus. Allez les bleus. Allez les bleus. Allez les bleus. Allez. Merci, oh mon frère. Cristiano Ronaldo gagne 2 euros par seconde. Romano sera-t-il plus fort que lui ce matin? Eh ben on va voir ça tout de suite. Voici les conseils pas chers de ce matin et on parle des bleus du match de ce soir France-Bulgarie à suivre sur Sky évidemment. Et très bon business chez les bleus, c'est les maillots de foot. Ah bah oui, ça rapporte de l'argent. Les maillots, alors vous voulez le classement? Les maillots les plus vendus? Ouais, les 7 joueurs qui sont le plus achetés. Bon, le premier c'est Zlatan? Non, non, Zlatan, équipe de France. Équipe de France, équipe de merde. Ce n'est pas ma meuf. Hein. Je ne connais pas cette dame. Mais qui es-tu, toi? Qui êtes-vous, madame? Qui êtes-vous, madame? Je me suis trompé, excusez-moi. Le premier, c'est qui? C'est Griezmann. Oui. Voilà. Zizi. Ouais. Deuxième. Pogba. Bien joué. Bien joué, Karim. Troisième. Payet. Bien joué. C'est un classement, ce con. Ouais, madame, je l'ai quatrième. Pas. Quatrième, je te dirais bien. Ton idole. Je vais donner ton copain. Ton idole. Là, tu dis. Non. Mais non, ton idole dans l'équipe de France. C'est ironique. C'est Giroud. Ah, bien joué. Ah, Giroud. Cinquième. Coman. Étonnant, ouais. Étonnant, Coman. Ouais. Mathieu seulement 6. Mathieu putain. Et 7ème, Kanté. Kanté 7. N'Golo Kanté, ouais. N'Golo. Eh ben, ce matin, direct sur les familles, j'ai la machine, vous savez, pour écrire le prénom derrière. Ah, pour floquer. Floquer, ouais. Ouais, c'est ça. C'est parti, j'amène ça aux familles. C'est ça... parti chez Jean-Yves. Eh ben, ça permet de tester la popularité des bleus. Ah putain, Jean-Yves, je vais faire payer à la lettre. Combien ça coûte une lettre? Fais 20 balles la lettre, gros. 20 balles la lettre, allez, ouais. Avec 160 balles. Avec Griezmann, ça te fait un paquet de lettres. 160 balles, gros, le calcul est fait. Oh, Griezmann, il y a plus, attends. 1, 2, 3, 4, 5, il a 9. T'as mis le trait d'union? Ah non, j'ai pas mis. Ah bah, je l'ai mis, moi. Ah, ça en fait une de plus. Ah bah, tu mets le prénom en plus. 180, donc. Bah, je mets Jean-Yves, ouais. Ah, pour lui, tu veux stocker son nom à lui? Ah bah oui, bah attends, t'as vu le nombre de lettres qu'il a dans son prénom? D'accord, ok, ça marche. Jean-Yves, ouais, 8 lettres, voir. Plus le trait d'union, ça en fait 9. 180 euros. Bienvenue sur la boîte vocale. Dommage, Jean-Yves. Thierry. Allô. Salut Thierry. Ouais, Thierry. Oui. Ouais, comment tu vas? Allez, les bleus. Allez, les bleus. Bah, allez, les bleus. Qu'est-ce qui, les bleus, tu sais bien qui c'est l'équipe de France? Allez, les bleus. Allez, les bleus. Oh, mon frère. Allô. Thierry. Il a eu peur. C'est le champion, mon frère, ça l'a terrorisé. Non, mais puis allez les bleus. Mais c'est qui? Bah, les bleus. Mais il comprend pas. Là, on va chez Roger. Roger, ah. Allez, Roger. 5 lettres. Moins cher. Et j'appelle Jean-Marie en même temps. Oh, ça, ah, il y a Jean-Marie, plus de lettres. Yavoul. Allô, Roger. Oui. Oui, bonjour, Roger. Comment vas-tu? Ça va avec le beau temps. Eh ben oui, aujourd'hui, c'est la folie. Moi, j'ai peut-être Mais non, il fait pas froid aujourd'hui. Bon, un petit peu. Soleil. C'est le soleil. C'est ça. Bon, dis voir, c'est le club des supporters des Bleus à l'appareil. Il y a un match. Le club des supporters des Bleus. Ouais, le club des supporters des Bleus. Le club des supporters des Bleus. Les Bleus, pas des Bleus. Ce soir, il y a un match, hein. Ah oui. France-Bulgarie. Tu regardes le foot, toi, un peu? Oh non. Oh ben attends, on va te faire un maillot de l'équipe de France avec ton nom marqué derrière. Roger. Ouais. Oui. Magnifique. Roger, tu veux quel numéro? Oui. Oui, c'est pas un numéro, ça, Roger. Roger, il faut choisir un numéro pour mettre sur le maillot. Non, bah, c'était trop dur pour lui. C'était la question qu'il fallait pas poser. Accroche. C'est Jean-Marie? C'est Jean-Marie, ouais. Yavol. Allez, Jean-Marie. N'est-ce pas? Bonjour, Jean-Marie. Yavol, je suis chez ma fille. Ah, bonjour à Lucie, elle a un très beau maillot Griezmann. Bravo Lucie, t'as de très belles dreadlocks aussi. Tiens, Christian. Allô? Ouais, Cricri. Qui c'est? C'est le club des supporters des Bleus à l'appareil. Qui? Le club des supporters des Bleus. Allez les Bleus. Allez les Bleus, allez les Bleus. Les Bleus, football. Football, Griezmann. Griezmann. Pogba, Payet, Giroud. Deschamps. Ok. Mais les mecs, il y a encore des supporters. Non, mais les gens vivent sur une autre planète, Romano. Il y avait une bonne fois pourtant. Les bleus d'Auvergne. Non, pas du tout. Allô. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui. C'est la femme à Patrick, ça? Oui, c'est la femme à Patrick, ouais. Eh, tu sais que j'ai un cadeau pour Patrick ce matin? Ah bon? C'est qui, là, à l'appareil? C'est monsieur Lapince, un maillot de l'équipe de France des Bleus. Le foot. Tu vois ce que c'est le foot avec le ballon, là? Ouais, quand même. Tu sais, ça jouait avec des raquettes et tout ça. Ouais. tu gagnes des sets et tout, c'est pas mal. Tu joues en maillot de bain. Bon. Dis-moi, je vais arriver dans 5 minutes, là, petite poulette. Oui. Oui, bah, je vais amener son petit maillot. À Patrick. Oui. Ça sera écrit Patrick derrière. Patrick, je lui mets quel numéro? 46. 46, ah bah c'est bien, ça coûte plus cher qu'on a plusieurs. C'est nickel ça. Bah écoute, je vais te le faire à 300 balles. Ouais, bon, ça va, c'est raisonnable. Ouais, c'est raisonnable, ouais. C'est un bon prix. Bon, bah je me pointe vers 9h là. Ok. J'ai encore deux, trois bricoles à faire et puis j'arrive. À tout de suite. Ok. À tout de suite, ma poulette. Allez, salut. Bisous, chérie. Bisous, ma chérie. Bisous. Bah voilà, enfin. Bravo. Vous avez vu, moi, les filles, elles sont de mieux en mieux. Il a fallu tomber sur une fille pour qu'elle prenne le maillot. La femme à Patrick, très sympa. Vive la femme à Patrick. Et dans un instant, la compile du morning. Aujourd'hui, la compile. Les déchets en boîte. Les déchets en boîte. Les clients amochés en boîte. On s'en occupe tout de suite. C'est sur Skyrock. Et dans une minute, l'horoscope de l'amour qui arrive. Et Soprano, écoutez. Kanye West. Your love is fading. I feel it. Son nouveau single, Fade. Kanye West, album et single disponible uniquement en digital. Eh, à la Banque Postale, ils ont observé qu'il y a des petites ou des grandes voitures, des neuves ou des occasions, des gens qui font du covoiturage ou qui sont en conduite accompagnée. À la Banque Postale, ils ont aussi observé que les assurances auto, elles, ne sont pas aussi variées. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors, ils ont une assurance auto qui colle à chaque conducteur. Et jusqu'au 16 octobre 2016 inclus, ils vous offrent 3 mois sur la prime de votre assurance auto la première année. C'est ça, l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, 15 centimes d'euros TTC la minute. La Banque Postale, banque et citoyenne. La Banque Postale SA immatriculée au RCS de Paris et à l'ORIAS en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des Assurances. Et l'horoscope sur Skyrock, votre horoscope de l'amour, attention. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Aïe, aïe, aïe, la bonne note, c'est pas pour les Capricornes et les Scorpions aujourd'hui, désolé. Hein. Entre 0 et 5, on a 0 sur 5, c'est notre puissance amoureuse. On sera un petit peu à côté de nos pompes aujourd'hui. Mais bon, c'est aussi ce qui peut faire notre charme, comprenez, il y a quand même du positif, ce qui est quand même pas mal. Alors, enlève tes baskets, gros. T'es Capricorne. Bah oui. Bah oui, j'ai 0 et alors. Capricorne, comme dit Foul. Hein. Oui, comme moi. Capricorne et Scorpions, on est ensemble ce matin. Un petit 1 pour les Béliers, les Balances. Ce matin, si vous êtes célibataire, ne ruminez pas une histoire du passé. Aller de l'avant. Et si vous êtes en couple, votre partenaire risque de vous reprocher votre emploi du temps aujourd'hui. Vous êtes un peu chargé. Vous rattraperez ce week-end, c'est pas grave. 2 sur 5, les Gémeaux et les Cancers. Fuyez la solitude aujourd'hui, elle est mauvaise conseillère. La solitude vous fuit. Et dans ce cas-là, c'est une bonne journée qui va se passer. 3. Les Vierges et les Sagittaires, c'est votre discrétion et puis votre côté un petit peu mystérieux aujourd'hui. Votre côté réservé qui séduira les autres. De la séduction au programme pour les Vierges et les Sagittaires. 4. Pour les Poissons et les Lions, vous aurez le cœur sur la main. C'est votre générosité qui va vous aider à séduire aujourd'hui. Et 5 sur 5, c'est les Taureaux et les Verseaux. Comme qui? Vous serez d'humeur festive aujourd'hui. Bougez, sortez, faites la fête pour rencontrer du monde. Vous aurez de belles rencontres. Au programme, vous allez vous éclater avec votre chérie, tout va bien pour les Taureaux et les Verseaux, 5 sur 5 et dans un instant, bah tiens justement, on sort en boîte, la compile des clients amochés en boîte et vos photos, vos messages hein, si vous avez des petites anecdotes là-dessus. Allô, j'ai entendu boîte, je reviens. Oui, DJ... Oh non, ça va aller. C'est là, je suis en galère, il y a personne qui veut de moi en ce moment. Bah écoute, tu restes avec nous DJ Roro. Ouh, pas de problème. Et la compile du morning arrive après Alonso. Non, après Soprano. Direct, c'est sur 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Soprano, Alonso, bon c'est des potes aussi. Hein. En feu. Ouais, tous les deux en tournée avec Skyrock en plus. Soprano, c'est en feu. Je suis en feu, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis en feu, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis en feu. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Je suis en feu. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. Je suis en feu. J'ai sorti le gros gamin ce soir, je suis le prince de la vie. Je suis en feu. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Je suis en feu. Ce soir je suis intouchable, je danse comme au Marcy. Je suis en feu. Le sol le salut, même Michael Jackson me dit merci. Je suis en feu. Le DJ me fait passer, boum, dans la lucarne. Je suis en feu. Sors de la piste, fais nos grands écarts de panda. Je suis en feu. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur eux. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien que. Si tu me parles, rien que. Si tu me touches, rien que. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Je suis en feu. Ce soir, je suis un warrior. Appelle-moi Stephen Curry. Je suis en feu. Je sors de deux heures de sport. Amène-moi des tirineurs. Je suis en feu. Comme ce grand blondinet énervé contre Freezer. Je suis en feu. Ce soir, je ne joue pas, mais je repars avec les trophées. Je suis en feu. Tu m'appelais Kirikou. Ce soir, je suis John Covey. Je suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Je suis en feu. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. Si tu me parles, rien. Si tu me touches, rien. Car moi, ce soir, je suis en feu. Je suis en feu. Je suis en feu. Car moi, ce soir, je suis en feu. Je suis en feu. Je suis en feu. Car moi, ce soir, je suis en feu. Je suis en feu. Je suis en feu. Car moi, ce soir, je suis en feu. Je suis en feu. Je suis en feu. Je suis en feu. Ça sent le brûlé. Ça sent. Ça sent le brûlé. Appelle les pompiers. Je suis chaud. Sur Skyrock, c'était Soprano. Soprano qui tourne dans toute la France avec Skyrock l'année prochaine. Il sera dans toutes les villes de France, les petites, les grandes, les moyennes, et notamment à Marseille, au Vélodrome. Ça, c'est le clou de la tournée Sky. Soprano au stade Vélodrome. Mais oui, mais oui. Ouais, ouais, ouais. Et ben, c'est pour vous, c'est pour nous, on en profitera. Et des places de concert à gagner, c'est Jul qu'on va vous offrir tout de suite. Si vous voulez vous inscrire, allez-y maintenant. Vous allez voir Jul en concert avec Skyrock. Et tout de suite sur le 7-20-20, vous envoyez roulette au 7-20-20. Les places pour Jul, c'est complet à Marseille, c'est complet à Paris, c'est presque complet partout, à Amnéville, à Nantes. Vos places à gagner tout de suite, inscription 7-20-20, vous envoyez roulette. Et là, c'est l'heure de la compile du morning. La compile du morning de Default sur Skyrock. Eh ouais, veille de week-end, il y a peut-être qui vont sortir en boîte. Attention, attention, si vous sortez en boîte, je vois par exemple quelques messages qui défilent, j'en prends un au hasard. Willow, 21 ans, qui dit: moi j'ai un pote, il s'est battu avec un poteau tellement qu'il était bourré. Ah ouais, ouais, j'ai, en plus contre un poteau, tu perds. Hein. Ah oui, non, en général, oui. Général, oui, ouais. Tu fous un coup de boule à un poteau, tu perds. Tu fous un coup de poing à un poteau, tu perds ta main. Bon, salut ton pote Willow, tu lui fais un petit coucou. Salut ton pote Willow. La compile des clients amochés en boîte. On a pris des nouvelles dans l'actu et on est tombé sur quelques clients amochés. Voici le top 3. Numéro 3. Numéro 3, on va aller à Lyon. Une cliente de la boîte, hein, danse. Yes. Et puis elle égare sa drogue en boîte de nuit. Elle s'en rend compte à la maison. Elle retourne à la boîte et elle demande à la boîte de la recontacter si un employé met la main dessus. Voilà. Ah bah c'est gentil. Si vous trouvez un petit pochon, hein, n'hésitez pas à me recontacter, tout ça. Tout ça. Bon, le gérant a trouvé le pochon, il a prévenu la police et la police est allée faire la teuf chez la cliente de la boîte. Ah, bah, c'est sympa, lui ont ramené son pochon. Ils ont culé la boîte. C'est vrai, c'est pas bien. Bon, c'est la troisième. Elle n'y retournera pas, ouais. Numéro 2. Numéro 2, c'est à Bayeux dans le Calvados. C'est un homme qui s'est fait virer d'une boîte. Alors, il était pas content, hein. Pas content de s'être fait virer de la boîte. C'est-à-dire qu'il était un petit peu bourré. Il est revenu, toujours bourré, furieux, mais il est parvenu d'une manière normale. Il est parvenu en voiture, il est parvenu à pied. Il est revenu en tracteur. Ah ouais? Et à ce moment-là, il s'est dit: allez, je vais rentrer dans la boîte, comme ils me veulent pas, je vais rentrer avec mon tracteur. Il a foncé dans la boîte, il a défoncé le coin fumeur. Ah ouais, quand même. Tous ceux qui étaient en train de fumer sont partis en courant. Heureusement, pas de victimes. Faites gaffe si vous sortez à Bayeux dans le Calvados. Le mec arrive en tracteur. On salue Monsieur Tracteur. Numéro 1. Et le numéro 1, c'est à Limoges que ça s'est passé. Salut les Limoges, jolie Limoges. C'est un gars, alors, qui voulait aller en boîte. Bon, bourré, avant d'aller en boîte, déjà. Donc, vous imaginez l'état de quand il est arrivé. Ouais. Le problème, c'est pour y aller, il savait pas comment faire. Et parce qu'il n'y avait pas de voiture. Ah merde, oui. Et ben, vaut mieux d'ailleurs. Oui, dans ces cas-là, ouais, il vaut mieux pas prendre le volant. Ouais. Et ben, il s'est dit, je vais voler une voiture et je vais y aller. Bon, pas de chance, il vole une voiture, il y va, bing, faussé.

from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. Switch on my cup, I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I take any lane. Switch out my car if I kill any pain. Look what you done. C'est le morning de Default sur Skyrock. Eh ben, vous êtes en direct avec nous tous les matins entre 6 et 9. Bon réveil à vous. Si vous venez de voir les yeux, vous vous levez tard quand même. Vous avez juste la dernière ligne droite du morning pour vous. Et ceux qui sont réveillés depuis plus tôt ont vécu plein de choses très très fortes. Des émotions fortes. Et ouais. La vérité sur l'histoire de Kim Kardashian, on vous a tout raconté ce matin dans le morning. Le complot. Ça, je vous le dis, c'est un complot. Il y a des complots. Et aussi, c'est les Illuminati. C'est ça, Max. Tu crois que ça va être des Illuminati? Ah, c'est sûr. Bon, on a parlé de Kim Kardashian, on a offert plein de cadeaux, on a offert des iPhones, on a filé la console, les chèques de 1 500 € qui sont tombés aussi, et c'est pas fini. On a Thomas avec nous en direct ce matin. Bonjour Thomas. Salut tout le monde, comment allez-vous? Salut. Ça va bien Thomas. Salut Thomas. Alors on m'a dit que tu voulais des places pour Jules, Thomas, toi. C'est ça. Ah bah il y en a compris. Plus. Ah bah merde. Si. T'inquiète, Romano a pas tout volé, j'en ai mis de côté. Hein. En vente, Paris-Marseille c'est complet. Ouais. Amnéville et Nantes, attention. Hein. Attention, oui. C'est chaud. Tu vas aller le voir où toi, Jules? Sur Nantes. Allez, bah on lance la roue. C'est Jules. Skyrock t'offre Jules en concert dans la ville de ton choix. Jules sur Skyrock. Papa Rennes. Alors, Jules et la roulette. Hop là, on lance la roulette. Thomas, à toi de l'arrêter quand tu veux. T'as 21 ans, toi, hein, Thomas, c'est ça? Ça marche, ouais, j'ai 21 ans. Allez, vas-y. Les doigts, tu déchires. C'est bien. Et tu fais quoi dans la vie, Thomas? Fais quoi? Commercial. Qu'est-ce que tu vends de beau? Je vends du gaz et de l'électricité. Ah, tu bosses chez EDF. Ouais. Non, c'est GDF. Chez GDF. C'est GDF. La concurrence. Ah oui, ils sont concurrents maintenant. Ouais, c'est vrai, ouais. Eh bien, écoute, tu as gagné. Le gaz, c'est bon, on a Cédric qui nous en fournit assez. Oui, ça va, du gaz. Par contre, fournisseur officiel de place pour Jules, la tournée Skyrock, la tournée de Jules, elle est pour toi. Deux places, Thomas, ce matin. Bravo. Ah, trop de la balle. Eh ouais, deux places que tu vas pouvoir en profiter sur le mois de décembre, hein, la tournée de Jules. Donc, au mois de décembre, tu iras voir Jules avec qui tu veux, tu ramènes qui? On va ramener une copine. Ah bah oui, tant qu'à faire. C'est bien, tu fais une copine. Petit concert, petite bouffe juste derrière, petit hôtel et. Petite cartouche. Exactement. Bravo Thomas. Belle soirée. Yes, merci à vous, Skyrock. Merci à toi, Thomas. Tu reviens quand tu veux. Ouais, ça marche. Je vous fais des bisous. Bonne journée à vous. Continuez comme ça, vous niquez tout. Salut à tout Nantes. Salut. Ciao. Et on continue de tout niquer avec d'autres places tout au long de la journée à gagner. Ouais. C'est avec Fred, hein, tout à l'heure. Les places pour Julie avec toute l'équipe jusqu'à la radio libre de ce soir en direct entre 21h et minuit. Ouais. Et avant ça, c'est l'heure du zap du morning. Regardez, il est 9h09. Et c'est dans ces eaux-là que tout le matin on retrouve le zap. Un beau zap du morning. Écoutez bien. Ça s'est passé ce matin. C'est le zap du morning sur Skyrock. Bonjour, c'est Jean-Claude. Oui, Jean-Claude. Oui, bonjour. Romano Resto à l'appareil. Je vous appelle pour la livraison des deux hamburgers que vous avez commandés. Ouais, votre numéro de téléphone, il s'affiche, là, en ce moment. Ah, c'est bien. Et alors? Et puis alors, en fin de compte, ça va. Ça va. Ouais. Bon, je sais pas ce que tu es en train de me raconter, mon Jean-Claude. Ce que je vais faire, c'est le mieux. Je vais prendre ma petite voiture et je te livre dans 10 minutes, là. D'accord, pas possible, pas, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. À tout à l'heure, Jean-Claude. Il est ému. Ouais, c'est bon. Au revoir. Salut. Ouais, ça va être très, très bon. Ça va être bon, ouais. Quel est ce joueur de l'équipe de France qui s'embrouille avec son ex? Alors, ça part en couille parce que ça part sur les réseaux sociaux, ça part partout. Ça parle mal, quoi. Ça parle mal. Tiens, écoutez d'ailleurs une embrouille avec son ex, sa femme, la totale. Elle a un nez comment? Un nez crochu? Très crochu? Grand nez? Bah allez, comment? Non mais c'est ce qu'il dit dans le truc, moi j'y peux rien. T'as dit foule, tu vous lisais le mot nez, ça le met sur les nerfs. Loïc, allez, Didier Deschamps, c'est votre réveil de star. C'est Didier Deschamps. C'est Didier Deschamps. Et nouvelle coupe, nouveau swag. Je suis blanc de patine. Allô? Bonjour. Bah qui est-ce? Je suis l'entraîneur. L'entraîneur? C'est moi qui entraîne les joueurs. Mais t'es Didier Deschamps carrément, alors. Voilà. Oui, oui, oui. T'as fumé combien de pétards, toi? 23. Ouais. Salut Didier. Allez, à fond. Allez, à fond. À fond, Didier. À fond, Didier. C'est la radio, Elodie, au téléphone, on est en direct à la radio. C'est pas Skyrock quand même. Ah, ça, je peux pas te dire, parce qu'on va faire, on va faire un jeu là. On va te demander, on va te poser une question, on va te demander quelque chose et il faut répondre pour gagner 1500 euros. Ta radio préférée, Elodie? C'est Skyrock. T'as gagné 1500 euros, Elodie. Bravo, Elodie. Bravo. Bien joué. Ah, vous êtes sérieux? Mais oui, ouais. Eh ouais, Elodie, 1500 euros, ça fait plaisir de faire plaisir. Je vous le dis souvent, bah c'est bien. Super, Elodie, on te fait de gros gros bisous. Il croyait pas au début. Ouais. À Saint-Brieuc, elle a gagné ses 1500 euros. Et le joueur de l'équipe de France qui s'embrouille avec son ex qui s'embrouille avec sa nouvelle, etc., etc., c'était Anthony Martial. C'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Anthony Martial, son ex Samantha, qui fait des clashs sur les réseaux sociaux. Ouais, maintenant il est avec une meuf de quoi de... Des anges. Des anges. Mélanie des anges. Mélanie, ouais. Qui avait fait Secret Story avant. Qui a... Pouh là, mais quel CV. Qui n'hésite pas à lui répondre. Magnifique. Mon pauvre Anthony, on est tout cœur avec toi. Bon courage, Anthony. Puis bah, bon match ce soir. Ah oui, allez les Bleus. Ce soir, à ne pas louper, les Bleus contre la Bulgarie. France-Bulgarie, le match qu'on vous a filé cette semaine dans le morning. Il est bah, ce soir en direct sur Skyrock entre 21h et minuit. Le match, on le suit. Ouais. On donnera des notes à notre équipe de France. Allez, on est déjà prêts. Allez les Bleus. Champion, mon frère. Et un autre champion, c'est Fredo qui arrive à 9h12. Allez Fredo. Allez Fredo. Allez les Bleus. Allez. Et tu te rappelles, Fredo, on a suivi la finale contre le Portugal ensemble. Tu m'étonnes que je me rappelle, t'étais en Italie. Ah, j'étais en Italie dans des studios d'une radio qui s'appelle RTL Cento Due Cinque Skyrock. J'aurais pas dit partout, mieux. Partout en France. Toi, tu étais dans les studios de Skyrock, Fred. Romano était disparu. Ouais, était porté disparu. J'étais paumé en Bourgogne, moi. J'étais paumé en Bourgogne sans réseau. On avait Marie, Marie qui était dans un sacré état. Dans un état pas possible. Avec toute son équipe dans le sud. Son pote qui gueulait. Et puis vous tous qui étiez là tout au long de cette belle soirée. Malheureusement, une belle soirée qui s'est mal finie puisqu'on avait perdu contre le Portugal. Mais là, c'est reparti. Merci direction... de nous rappeler ces bons souvenirs. Direction la Coupe du Monde, on oublie tout ça. La Coupe du Monde, ce soir, donc. Elle est pour match nous. Qualificatif, faut se qualifier d'abord. Hein. Contre la Bulgarie, ce soir, faut gagner en tout cas. Allez, les Bleus. On a lancé un sondage sur le net ce matin. France-Bulgarie, vous pensez que la France va gagner? Pensez à un match nul? Ou alors, vous pensez à une victoire de la Bulgarie? J'ai les scores, tu veux que je les donne, Fredo? J'imagine que tu pièges. Allons-y, allons-y, allons-y. Vous avez voté à 96,7% pour une victoire de la France. Bravo! Ouais. 96,7% à 2% pour un match nul et à 1,3% pour la Bulgarie. Vous pouvez continuer à voter jusqu'à ce soir, jusqu'à la radio libre. Vous allez, bah, vous faites le hashtag Skyrock ou hashtag Morning de Difool. Vous nous laissez tout ça et puis sur tous les autres réseaux, vous en discutez ensemble sur Facebook, surtout sur Twitter, c'est fait, ou alors sur Insta et Snap aussi. Voilà. Merci pour cette belle semaine. Merci. Demain, qu'est-ce qui se passe entre 6h et 9h? C'est Vincent. Morning Best. Le Morning Best, oui, Romano. Le Morning Best. C'est pour ça que c'est pas nous qui le faisons, j'arrive pas à le dire. C'est les meilleurs et les pires moments, comme celui-ci par exemple. Ouais. Du morning, demain matin entre 6h et 9h. Et là tout de suite, c'est à toi, Fredo. On y va, coup d'envoi. On y va, c'est parti. Et j'ai le nouveau son de Bruno Mars, j'ai entendu, vous l'avez passé. Ouais. Ah, je le repasserai aussi toutes les heures avant midi. Et bien avant midi, on pourra profiter du nouveau Bruno Mars. 24K Magic. Yeah. Ou 24K Magic. Hein. Ouais, ouais, c'est comme vous voulez. C'est un des deux. Et Skyrock le dit en anglais parce que nous sommes la première radio mondiale. Bien sûr, bien sûr. Et ouais. And now it's Drake with Run Dance. Yes, a good sound, very good sound, Fredo. Je me surpasse moi-même. Yes, yes. Ah ouais. J'arrive à m'étonner moi-même. C'est impressionnant. Mais c'est fou. Rendez-vous